Et nous serons là demain matin, toujours avec le même plaisir, évidemment. À demain. RMC, Bourdin Direct, du lundi au vendredi, 4h30-10h. Et c'est l'heure de la météo sur RMC, la météo de votre week-end avec Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François, bonjour tout le monde. Aujourd'hui dimanche, la pluie signe son grand retour, surtout dans le sud-ouest de la France. Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, il va pleuvoir toute la journée sur ces régions-là. Et des orages sont prévus, notamment sur le département de l'Ariège, mais aussi en Lozère, sur le Massif central et les Pyrénées-Orientales. La pluie, elle vous accompagne aussi ce matin en Pays de la Loire et en Normandie. Et ces averses vont se déplacer vers l'Île-de-France pour gagner les Ardennes cet après-midi. Seul l'est du pays restera bien au sec toute la journée, en Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et toute la vallée du Rhône jusqu'au pourtour méditerranéen. Ce matin, le ciel est bien dégagé là-bas et l'après-midi restera très agréable. Les températures, elles sont en baisse. Il fait seulement 18 degrés cet après-midi à Brest, 22 à Bordeaux, alors qu'hier il faisait plus de 30 degrés en Aquitaine. Il fera 20 à Paris, 25 à Marseille. C'est à l'est qu'il va faire le plus chaud aujourd'hui, 26 à Dijon et 26 à Strasbourg. Et ce matin, le thermomètre affiche 12 degrés à Lille, 15 à Paris, 19 à Toulouse et 20 degrés du côté de Toulon. Très bon réveil avec RMC. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 15h, Football Ligue 1, Saint-Étienne-Lille. 16h15, Rugby Top 14, Le Choc, Toulon-Clermont. 17h, retour à la Ligue 1 avec Nancy-Nice, suivi à 20h45 de Marseille-Nantes. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 6h. Toute l'actualité tout de suite avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, nous sommes aux États-Unis dans ce journal. La police de la ville de Charlotte publiait hier soir sa vidéo pour justifier son action qui a conduit à la mort d'un homme noir et qui a déclenché une vague de manifestations. Enquête relancée à Perpignan, celle sur la disparition de Marie-Josée Benitez et de sa fille Alison. C'était en 2013, des restes humains ont été découverts. Et puis le football, la Ligue 1, Monaco retrouve sa place de leader et Lyon chute encore une fois cette saison. Il est 6h sur RMC, bonjour à tous. Allez, le football pour commencer. 7e journée de Ligue 1 tout ce week-end. 7e journée et une nouvelle fois fatale à Lyon qui est allé perdre chez la Lanterne Rouge. Lorient défaite 1-0. Pierre-Yves Leroux, l'OL très loin de ses ambitions. Il y a deux semaines avant d'affronter Zagreb, Lyon s'était incliné à domicile 3-1 face à Bordeaux. Cette fois, c'est sur le terrain de Lorient que les hommes du président Aulas ont déjoué. La prestation n'est pas en relation avec le potentiel du groupe. 3 défaites en 7 matchs, c'est beaucoup trop pour une équipe du standing de Lyon. Donc voilà, on est malheureux et déçus. Avec 8 tirs cadrés contre 2 seulement aux Lorientais, les Lyonnais ont rencontré un formidable gardien breton, Benjamin Lecomte. Orphelin de Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et ses partenaires veulent donc garder le moral. On est loin des standards lyonnais, loin de nos objectifs. Faut pas tout remettre en question, tout ce qu'on a fait de bien ces derniers temps. Et il faut aller à Séville confiant. Seul motif d'espoir, le FC Séville s'est également incliné 3 buts à 1 face à l'Athletic Bilbao. À Monaco, leader, donc victoire 2-1 sur Angers hier soir. 1-0 pour Bastia face à Guingamp et pour Metz à Montpellier. Dijon écrase Rennes 3-0, enfin 0-0 entre Bordeaux et Caen. La suite aujourd'hui est pour conclure. L'OM qui reçoit Nantes ce soir. L'OM 17e, quasi relégable ce matin. Inévitablement, le coach Franck Passy est sur la sellette. Il a le soutien en tout cas du coach d'en face ce soir, le Nantais René Girard. Il a toujours été là quand l'OM a été en difficulté, il a toujours sorti de la merde, donc je pense pas qu'une défaite de l'un ou de l'autre peut justifier ça, mais le football est quelque chose qui n'est pas toujours écrit à l'avance, il se passe des choses, mais je sais pas si j'ai pas lu les journaux marseillais, je sais pas s'il y a le feu à Marseille ou pas, bon, on aura ça lundi matin. Hein. La suite de l'actu sport, ce sera bien sûr à la fin de ce journal. Parole contre parole, vidéo contre vidéo. Policiers et minorités noires continuent de se déchirer à Charlotte, aux États-Unis. Hier, la famille de Keith Scott publiait sa vidéo. Cette nuit, c'était au tour de la police. Et voilà, c'était donc mardi dernier. Keith Scott, abattu par les policiers. Philippe Gasso, vous êtes le correspondant d'RMC aux États-Unis. Finalement, Philippe, cette vidéo n'apporte pas grand-chose. Eh bien oui, les images diffusées avec l'assentiment du gouverneur de Caroline du Nord ne semblent pas avoir calmé la population. La vidéo qui est passée sur toutes les télévisions américaines n'apporte aucun élément définitif. On voit et l'on entend la police qui, abritée derrière des voitures en stationnement, ordonne à un homme que l'on ne voit pas, enfermé à l'intérieur d'un véhicule blanc, de jeter son arme. L'ordre sera répété. Dans le même temps, la femme de cet homme encerclé filme avec son portable. On l'entend crier « Ne tirez pas, ne tirez pas, il n'est pas armé, il n'a rien fait ». et des coups de feu claquent. Kes Scott est mort juste avant. L'homme est sorti de sa voiture à reculons, les bras le long du corps. Les photos d'une arme et de son étui seront diffusées. Elles seraient celles de la victime. Mais sur la vidéo, rien ne permet d'affirmer ou d'infirmer que l'homme mis en joue par la police tenait bien une arme. Philippe Gasso, le correspondant d'RMC aux États-Unis, puis toujours aux États-Unis, on vous en parlait hier, cette fusillade dans un centre commercial à l'ouest du pays, dans l'état de Washington. Le tireur qui a tué 5 personnes a été capturé cette nuit. La trêve conclue il y a 2 semaines est oubliée, plus qu'oubliée même. C'est un cauchemar que sont en train de vivre les habitants d'Alep, en Syrie, la deuxième ville du pays sous les bombes. Depuis maintenant 6 jours, le régime de Bachar el-Assad et la Russie à la manœuvre. Paris, Londres et Washington dénoncent. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait se réunir aujourd'hui. Voilà pour la diplomatie. En attendant sur place, c'est l'horreur décrite par Marc Laverne, spécialiste du Moyen-Orient au CNRS. Aujourd'hui, il y a 250 000 personnes qui sont terrées dans ces quartiers qui sont matraqués par les bombes. Il y a évidemment plus d'écoles, il y a plus d'hôpitaux, il y a plus d'eau courante. On survit parce qu'il y a quand même, il n'y a pas un mur entre les deux zones d'Alep, mais il y a des parties d'Alep où les gens vivent normalement, travaillent, il y a des administrations, il y a tout un fonctionnement de l'État. Et puis, il y a cette partie de gens qui sont terrés et qui se ravitaillent comme ils peuvent et qui sont vraiment terrés dans des caves et sous les décombres. Les précisions du chercheur Marc Laverne. En France, toute une enquête relancée 3 ans après les faits. L'affaire des disparus de Perpignan, une mère et sa fille volatilisées et un mari et père, Francisco Benitez, militaire de la Légion étrangère, principal suspect qui avait été retrouvé pendu dans sa caserne. Enquête relancée donc, Antoine Boyer, parce que des restes humains ont été retrouvés tout près d'un étang, Antoine. Oui, en juillet 2013, dans les jours qui suivent la disparition de sa femme et de sa fille, Francisco Benitez fréquente les berges de l'étang du Barcarès, selon l'un des avocats de la famille. C'est là que son téléphone est localisé et des recherches sont menées, mais les corps de Marie-José et Alison Benitez ne sont pas retrouvés. Or, c'est bien le père, le suspect numéro 1 dans cette affaire. Il a mis plus d'une semaine avant de prévenir la police de leur disparition. Avant son suicide, il a clamé son innocence, mais l'ADN des disparus est retrouvé dans un congélateur au domicile de la famille. Alors quand vendredi, le frère de Marie-José Benitez alerte sur sa découverte de probables restes humains sur ces mêmes berges. Les recherches sont relancées. Des analyses ADN vont être effectuées dans les prochains jours, selon l'avocat, pour peut-être enfin résoudre une affaire aux multiples zones d'ombre. La politique ce dimanche, sondage dans la presse régionale. Dernier chiffrage de la primaire, les Républicains. C'est toujours Alain Juppé qui est en tête au premier tour. 38% des voix contre 34% à Nicolas Sarkozy. L'écart est de 12 points entre les deux hommes au second tour, selon l'Institut BVA. À Tours, hier, demain, à Calais, François Hollande face à la question des migrants. Hier, dans un centre d'accueil à Tours, donc, il affirmait qu'il n'y aurait pas de mini-Calais, de mini-jungle un peu partout en France, renouvelant sa volonté de créer des centres d'accueil et d'orientation répartis sur tout le territoire, sauf que les manifestations contre ces installations se multiplient. Hier, c'était dans les Yvelines que les habitants se mobilisaient contre l'installation de centres d'accueil de migrants. À Louveciennes, par exemple, où le maire Pierre-François Viard dit non. Le problème, c'est que ce site n'est pas du tout adapté à l'implantation d'un, on va dire, d'un camp. C'est entre deux autoroutes, enfin une autoroute, la 13 et puis la nationale, loin du centre-ville, loin des commerces, assez isolé, enclavé. Pensez bien que si on accueille des gens, on ne les accueille pas comme ça et que isolé complètement sur ce site, ça va poser des problèmes. Voilà, argument dénoncé hier, évidemment, par la Ligue des droits de l'homme sur place dans les Yvelines. C'était un reportage de Benoît Ballet, 6h07 sur RMC. Le rugby Toulouse qui reprend un peu de couleur en top 14, victoire sur le Stade français hier 23-11. C'était bien, mais pas top pour le coach Hugo Mola. On espère toujours mieux, on espère ne pas enchaîner des défaites pour emmagasiner de la confiance et du réalisme, et c'était pas forcément notre cas, donc il fallait qu'on réagisse. Le contenu n'est pas encore à la hauteur de nos intentions, mais l'état d'esprit était là ce soir, donc c'est ça qu'il faut retenir. Des victoires hier également pour La Rochelle, leader toujours surprise de ce top 14, victoire également pour Bordeaux-Bègles, Pau et Castres. Et puis le tennis, hein, France en finale, ça se passe à Metz, Open de Moselle, et Lucas Pouille en lice pour un premier titre sur le circuit. Deuxième finale, la dernière fois, c'était à Bucarest. Pas que de bons souvenirs, d'ailleurs. Je pense que le cours sera plein. On l'avait joué à 10h du matin à Bucarest. Il y avait 100 personnes. Il faisait 12 degrés avec un peu de pluie. C'était pas la finale rêvée. Ouais, je pense rentrer, en tout cas, avec le même état d'esprit que les matchs que j'ai fait ici avant. Et essayer de continuer à imposer mon jeu et à faire ce que je fais de bien. Je vais être prêt à faire un gros combat. Voilà, Lucas Pouille au micro d'Éric Salio, 6h08 sur RMC. Bonjour François Sorel. Bonjour Thomas Chupin. Tout va bien ce dimanche? Ah bah écoutez, formidable. Avec un tiercé quarté quinté plus en plus cet après-midi à Vincennes. À Vincennes, du trop, oui. Alors Oui. Sébastien Darras est confiant pour cet après-midi avec le 11 Classico et le 12 Cœur Baroque. Brahim Asloum reste fidèle au 15 Traders et Laurent Guédard quant à lui retient le 7 Chicago Blues et le 10 Cara Williams. Le 11, le 12, le 15, le 7 et le 10. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 6h09, c'est RMC. Et avant toute chose, bon dimanche et merci d'être là, de nous avoir rejoints ce dimanche matin assez tôt pour passer cette matinée ensemble. Vous le savez, le samedi et le dimanche matin, j'ai le plaisir d'être à vos côtés avec les meilleurs experts de France. C'est le week-end des experts. Et après, le jardin, la maison hier et avant l'automobile tout à l'heure avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra à partir de 8h avec Jean-Luc. On reviendra sur l'événement de l'année dans le monde de l'automobile. C'est le mondial de l'auto qui va ouvrir ses portes très bientôt, hein, puisque c'est le 1er octobre, donc dans quelques jours. Eh bien, à cette occasion, on va revenir sur le mondial de l'auto. Le mondial de l'auto qui se réinvente. On découvrira aussi le salon des véhicules de loisirs. Et puis, en fin d'émission, ce sera notre rendez-vous avec l'actualité de la semaine, avec automoto.com. En tout cas, je suis ravi d'être là. Jean-Luc, à partir de 8h sur RMC. Mais dans l'immédiat, c'est Laetitia Barlerin, notre vétérinaire, qui m'accompagne comme tous les dimanches matin. Bonjour Laetitia. Ah, bonjour François, bonjour à tous, bon dimanche. Ouh là là, ils sont venus, mais ils sont... je pense que tous ces chiens étaient tellement tristes de ne pas vous ils m'ont avoir attendu vu une semaine pendant quand une même. Semaine que là, là, c'est terrible. On n'arrive plus à les tenir. Ça va Laetitia? Ça va très bien. Bon, on va retrouver... Ah bah oui, il n'y a pas que des chiens, visiblement. Ils sont tous venus, ils sont tous là. Jean-Luc est venu aussi. Oh, oula, ça balance. Punchline sur RMC ce matin. Il faudra isoler ce petit bout et le rediffuser tout à l'heure, hein, Jérôme. Alors au menu de notre rendez-vous dédié aux animaux, tout à l'heure le quiz de la vie privée des animaux, Laetitia, oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis en deuxième partie de ce rendez-vous tout à l'heure, on va parler du Cani Triathlon qui a lieu cet après-midi. Oui, ça, il a lieu au Vieux Boucau-les-Bains. C'est dans les Landes et nous en parlerons. C'est quand même joli la première fois. Voilà, c'est la première fois qu'on associe comme ça trois disciplines. Ouais. Canine, de sport canin. Mais on va parler aussi des vers de terre. Oui. Il faut les sauver. Oui, il faut les sauver. Il ne faut plus marcher, les écraser, comme vous le faites non, de temps ils en servent, temps. Ils servent. Ils sont en voie de disparition, les vers de terre. On en saura plus tout à l'heure. C'est vrai. Je vais aussi revenir sur un article que j'ai lu cette semaine qui a fait un petit peu la une de certains le sites buzz. Et les magazines. Comme quoi caresser son chat est mortel. Peut-être mortel. Comment ça, mortel? Mon alors, Dieu, c'est-à-dire. On en reviendra justement avec une spécialiste de la médecine. Enfin, moi, ça me fait éternuer féline. Mortellement, mais à part ça, c'est pas grave. Voilà, mais c'est un peu un amalgame. Ils ont monté ça. Enfin, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. On verra ça tout à l'heure. On fera aussi un petit peu un zoom sur l'association Sauvade, qui est une association réunionnaise dont la particularité est de rapatrier des animaux de la Réunion, de l'île de la Réunion, en métropole, ouais, pour qu'ils soient adoptés. Alors, on saura pourquoi. Pourquoi ils ne peuvent pas être adoptés sur place. Et puis, on en saura plus donc sur la situation des animaux abandonnés, errants sur cette île. D'accord. Pardon, oui. Non, je voulais dire, ils prennent l'avion et tout, ils reviennent sur la métropole. Et ben voilà. Parfait. Et puis, on parlera aussi tout à l'heure de maltraitance dans les abattoirs. Hein, oui, bien sûr, puisque cette semaine, la commission d'enquête parlementaire vient de rendre un rapport avec des propositions concernant justement le bien-être des animaux, bien sûr, dans les abattoirs. Et on y reviendra. Reviendra, bien sûr. Bon, vous savez quoi, on y reviendra. Vous savez ce qu'on peut dire, on en parlera. On comme en ça, parlera, au moins, tout le monde est d'accord. Sûr, voilà. Il n'y a pas que les chiens qui sont aux abois, Laetitia aussi parfois. Bon, non, elle n'est pas terrible, ça. Non, elle n'est pas terrible, Bing, bing. Vous savez quoi? Eh bien, à part ça, on vous souhaite la bienvenue sur RMC. C'est parti pour ce week-end des experts avec en priorité vos questions au 32-16. Dès maintenant, 32-16 et on accueille Claudine. Bonjour Claudine. Oui, bonjour. Bonjour Claudine, vous êtes bonjour, bien Claudine. Réveillée? Oui, oui. Ça va? Ça va? Claudine? Oui. Bon. Je vous téléphone pour mon chat, il mâchouille. Il s'appelle Mâchouille? Il mâchouille. Oui. Non, il mâchouille. Ah, je croyais qu'il s'appelait Mâchouille. Comment s'appelle-t-il et quel âge a-t-il? Il est noir, il a 11 ans. D'accord. D'accord. Et il mâchouille comme s'il mâchouillait du chewing-gum, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'il arrive à manger les croquettes? Oui, oui, il les mange et tout. Le vétérinaire fait tous les examens, il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Non. Alors, bien sûr que ce n'est pas normal s'il mâchouille. Enfin, ça veut dire quoi, mâchouiller, les chats? Est-ce que vous pouvez mimer comme le chat qui mâchouille? Si on peut, comme si on mangeait du chewing-gum. Voilà. Voilà. Ah, oui. Et ça a été ça tout le temps? Oui. Ouais, il faudrait un examen plus il profond. Il a endormi et tout, le vétérinaire, il ne trouve pas d'où ça vient. Et dans sa bouche, il n'y a rien? Non, j'ai dit ça venait des dents, il m'a dit non. Oui. Bah, quand un chat mâchouille... Vous ne faites pas traîner des chewing-gums, Claudine, chez vous? Non. Non, bien sûr que non. Non. Alors, quand un chat mâchouille, si vous voulez, c'est vrai qu'il faut regarder dans sa bouche, tout simplement, parce que bien souvent, il mâchouille, parce que soit il y a un corps étranger qui est coincé dans une dent ou dans la bouche, comme par exemple une arête de poisson, ça c'est arrivé. Eh oui. J'ai même eu une punaise qui était carrément coincée dans le palais. Ouais. Bon, je ne sais pas comment il avait fait ça, mais... Et du coup, il m'a chouillé, et puis il mangeait pas, et puis surtout... Bien sûr, ça lui faisait mal, Oui, c'est le cas de le dire. Et surtout, il bavait beaucoup. Alors, si un chat qui m'a échoué, c'est aussi souvent une dent qui commence à partir. Et donc, il sent qu'il y a une dent qui est pas bien positionnée. En fin de compte, il est en train de perdre sa dent. Ou alors, parce qu'il a une gingivite, votre vétérinaire vous l'a dit, voire à 11 ans, moi, je pense aussi aux ulcères de buccaux. Pourquoi? Parce que les ulcères buccaux sont le premier signe d'une insuffisance rénale. Or, à 11 ans, on a souvent, chez le chat, des problèmes rénaux. Alors, je dis souvent, ça ne veut pas dire tout le temps, mais il faut faire quand même attention et faire un examen clinique et un examen sanguin, surtout, de tous les chats à 11 ans, quand ils commencent à avoir des problèmes, et même avant qu'ils aient des problèmes. Oui. Donc, Claudine, je ne sais pas pourquoi il mâchouille, mais c'est vrai qu'il faut quand même... C'est un signe qu'il faut surveiller. Il faut surveiller, voilà. Parce que alors, s'il a anesthésié, il a regardé dans sa bouche, rien, moi, je serais carrément à faire une fibroscopie. C'est-à-dire emmener une petite caméra dans la bouche et dans la gorge pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche, s'il n'y a pas des ulcères, comme je disais, s'il n'y a pas un corps étranger, s'il n'y a pas une inflammation qui puisse expliquer ça et savoir pourquoi il mâchouille. Alors, dernière chose, Claudine, je connaissais un chat qui mâchouillait quand il avait faim. Ah, c'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire qu'il venait, il venait nous voir et il mâchouillait. Et c'était alors, je pense que comme il savait que on allait lui préparer à manger, vous savez, c'est un peu comme le réflexe de Pavlov, c'est qu'il commençait à saliver, voilà, parce qu'il savait qu'il allait manger, et donc il commençait à mâchouiller juste avant qu'on lui donne à manger, ce qui était après son repas, il mâchouillait plus. Donc, est-ce que Claudine, c'est pas justement du comportement? Ah, peut-être. Est-ce que c'est pas à certains moments de la journée, il faudrait voir à quel moment il mâchouille, comme vous dites, dans la journée, pour savoir si c'est est-ce pas. Est-ce que ça peut être un toc? Ça peut. Alors c'est rare quand même. Enfin, j'en ai jamais entendu parler. Sauf, je vous dis, ce chat qui mâchouillait quand il avait faim. Mais là encore, c'est même pas un toc. C'est un comportement vraiment individuel. Ça peut être un toc si c'est quelque chose qui l'apaise. Alors, est-ce que mâchouiller l'apaise? Oui, ça mâchouiller. Enfin, un chien qui mâchouille quelque chose, ça l'apaise. Mais enfin là, il mâchouille rien du tout. Oui. Donc, je pense à quelque chose plutôt de médical. Donc, Claudine, si ça s'arrête pas, il faut consulter manière plus sérieuse. Voilà, exactement, et voir un petit peu, peut-être même faire un scanner de la tête pour voir s'il y a quelque chose. Je sais pas. Il D'accord. faut aller plus loin. Mais là, j'ai pas du tout de réponse à vous donner, sauf des suppositions. 6h17, merci Claudine. Merci Claudine. On revient dans un instant, la Tiatia. Nous aurons Martine qui est tombée amoureuse d'un teckel nain arlequin. Ah, d'un arlequin? Nous avons aussi de belles histoires d'amour sur RMC dans ce rendez-vous animaux. Je ne sais pas si je vais tomber amoureux du quiz de la vie privée des animaux qui va arriver incessamment sous peu. On va voir ça. Le 3216, animaux@rmc.fr. Vous avez tous les moyens pour nous joindre, le téléphone ou bien le mail. Si vous nous joignez par mail, laissez-nous votre numéro de téléphone, comme ça on vous rappelle dans la foulée. A tout de suite. RMC, 6h-8h. Vos animaux. Le Cross du Figaro revient dans un nouveau format et s'associe au Téléthon. Choisissez votre distance, 5, 10, 15, 20 km, votre jour et heure de départ. Faites avancer la recherche en soutenant le Téléthon. Plus vous courez, plus vous donnez. Le nouveau Cross du Figaro, les 26 et 27 novembre au Parc de Saint-Cloud. Inscription sur crossdufigaro.com. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Il est 6h18. C'était RMC, le week-end des experts, les animaux. Merci d'être là et un bon réveil pour joindre notre vétérinaire pour discuter avec Laetitia Barlerin. Très simple, 32-16, on vous attend. N'hésitez pas dès maintenant, nous sommes en direct, bien évidemment. Laetitia Martine dans une minute. Mais auparavant, the quiz of the vie privée of the animaux. Et au passage, remarquez mon anglais parfait. C'est sûr. Alors justement... Justement. Des scientifiques anglais, c'est ça ma question. Ça faisait longtemps. Voilà. Vous savez quoi, j'ai remarqué, un quiz de la vie privée des animaux sur deux, ça commence par des scientifiques anglais. Ou américains. Ou américains. Là, c'est anglais, parce qu'ils trouvent toujours des choses, oui, je sais pas, oui, ils doivent avoir beaucoup de finances, pour beaucoup de... Voilà, ils viennent de s'apercevoir que une décision du pape au Xe siècle, et ne me demandez pas quel pape... a eu des conséquences inattendues sur les animaux d'élevage. Donc ça serait une décision qui date du Xe siècle. Une décision du pape. D'accord. Donc de l'Église catholique du Xe siècle, qui a eu des conséquences inattendues sur les animaux d'élevage. Alors, quelles conséquences? J'ai trois propositions. Celle-là, elle est bien gratinée, hein, Laetitia. J'ai pas encore les propositions, mais je sais que je vais perdre. Voilà. Soit la naissance des poules pondeuses. Vous savez que maintenant, il y a des poules pondeuses, c'est-à-dire les poules, des races de poules pondeuses. D'accord. Okay. Soit la naissance des vaches laitières. La naissance des vaches laitières. Soit la naissance de l'élevage pour le foie gras. Arrêtez, vous allez m'ouvrir l'appétit. Oh, François. Bon, écoutez, alors là, je ne sais pas. Les poules pondeuses, les vaches laitières ou le foie gras. Foie gras. Alors, vous avez une petite idée? Parce que moi, là, franchement, je sèche. animaux@rmc.fr. Aidez-moi, les amis. animaux@rmc.fr. La réponse à ce quiz de la vie privée des animaux, ça sera dans un instant. Mais tout de suite, on accueille Martine. Bonjour, Martine. Bonjour. Bonjour, Martine. Bonjour, Martine. Bonjour, Laetitia. Alors, vous allez bien? Je vais très bien. Alors, comme ça, vous êtes tombée amoureuse d'un chien, enfin, d'une race de chien, c'est ça? Oh oui. Oh oui, un tekelner harlequin. Un tekelner harlequin. Tekelner harlequin. Oui. Alors. Oui. Pourquoi on dit harlequin, Laetitia? Alors, harlequin, c'est la couleur. Voilà, c'est alors, cela. Ce qu'il y a de bien avec le tekel, c'est qu'aucun tekel ne se ressemble parce qu'il y a d'abord trois tailles de tekel. On a le tekel qu'on dit standard, c'est pas joli, mais bon, qui est le vrai tekel, le tekel de chasse, hein, qui va jusqu'à 9 kilos. Après, on a le tekel nain, qui fait entre 4 et 6 kilos. Mmh, et après, on a, alors ça, c'est tout nouveau, c'est le Caninchen. C'est le tekel miniature. Alors, c'est encore plus petit que le tekel que vous connaissez. Ça fait moins de 3 kilos, quoi. Environ 3 kilos. C'est tout petit. Ça devient de plus en plus populaire. Et alors, vous savez aussi qu'il y a trois variétés chez le tekel. Il y a le poil long, le poil court, ras, ou le poil dur. Dur, voilà. Et ça, je savais. Il y a les couleurs, donc on en vient là. Il y a les couleurs unicolores. Alors ça, si vous connaissez les tekels qui sont feu, qui sont rouges, hein, enfin ce qu'on appelle rouge. On a les bicolores qui sont noir et feu, marron et feu. Et on a les fameux harlequins qui sont trois couleurs. Ils sont beaux comme tout. Et c'est vrai, ils ont beaucoup de succès. Et donc vous êtes tombé peut-être sur la photo. Vous avez croisé un tekel nain harlequin. J'en ai vu un dans la rue. Oui. Et alors? Au bout d'une laisse avec sa maîtresse et évidemment je demande à la dame, je lui dis est-ce que je peux le caresser? Alors elle me dit oui bien sûr. Et alors écoutez, non, il avait des yeux, mais je suis vraiment tombée en l'espace de quelques secondes amoureuse de ce chien. Il me regardait, mais d'une manière, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ah bah c'est un tekel, hein. À vous faire fondre. Alors, et vous voulez savoir quoi? Eh ben, je voudrais m'en acheter un. J'ai 70 ans le 17 octobre. Et je me dis, je vais m'offrir. Vous savez, les gens sont méchants. J'avais toute ma vie des chiens. Oui. Et il y a 3 ans, mon voisin, pour pas le citer, dans le 66, m'a empoisonné mon chien. Ah zut. Voilà. Il avait 1 an et demi et je l'emmenais 3 fois par semaine dans un club canin. Il faisait de l'agilité, il faisait... Enfin bon, c'était un malinois. Mmh. Bon, et ça, et là, voilà. Pas dédigré, hein, mais et je l'avais trouvé dans la rue dans un carton. Il avait 5 jours, vous imaginez. Et là, Martine, vous voulez savoir quoi sur votre... Ben, j'aurais voulu savoir quel était son trait de caractère, son comportement, pour voir si j'ai 70 ans. Donc, évidemment, j'ai beaucoup de soucis de santé et je voudrais pas un chien qui va me faire... Oui, vous allez pas faire du canicross avec lui, quoi, c'est ça. Voilà. Bon. Alors, Martine, bon, c'est vrai que les teckels, en général, bon, que ça soit les petits, les nains, les canines jeunes, etc., ce sont des chiens qui sont toujours joyeux. Ils sont toujours joyeux, c'est des guélurons. Mais c'est vrai, ils sont quand vous les voyez, ils sont toujours en mouvement, etc. Ils sont super affectueux. Donc ça, Martine, ça, vous aurez beaucoup d'amour avec votre teckel. Ils sont très attachants. Faut faire attention parce qu'ils ont tendance à s'empâter s'ils ne courent pas, s'ils ne jouent aïe, pas. Aïe, aïe. Ah oui. Et c'est là où on voit des teckels qui grossissent et qui ont un ventre qui est presque jusqu'au sol, voyez. Oui. Donc il va falloir quand même si vous avez 70 ans, le lâcher pour qu'il joue avec d'autres chiens, etc. Enfin, il faut qu'il joue. Est-ce que c'est un chien qu'on peut sortir sans la laisse? Bah, tous les chiens, on peut les sortir sans la oui, laisse. Oui, enfin, mais là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si, par exemple, Martine décide d'aller dans un parc à proximité de chez elle, elle peut laisser le chien courir, etc. N'importe quel chien, n'importe quelle race, doit au moins une fois dans la journée courir. Sans laisse, bien d'accord. sûr. Donc, il faut toujours trouver un endroit où le lâcher, ce chien, avec d'autres chiens. Alors, il a quand même des défauts. Ce chien, parce qu'il y a toujours des qualités et des défauts, sûr. Parce que c'est vrai que bon, il a plein de qualités le teckel, hein. Ça c'est vrai que c'est un super compagnon, c'est voilà très joyeux, très affectueux, mais il est têtu. Alors ce qu'il y a de bien Martine, c'est que vous avez eu avant un malinois, donc vous savez dresser les chiens, vous avez les éduquer plutôt, donc avec, alors faut faire attention, parce que les teckels ils sont tellement mignons que ben ils nous mènent un petit peu par le bout du nez, donc il va falloir. Ils savent que on peut rien leur refuser quoi, c'est ça. Voilà, c'est un petit peu ça, donc ils peuvent être capricieux aussi s'ils sont pas éduqués, donc voilà, il faut bien l'éduquer comme n'importe quel chien. Faites attention, ils peuvent être aboyeurs. D'accord. C'est des chiens de chasse. Et puis, justement, comme ce sont des chiens de chasse, ils peuvent être chasseurs. C'est-à-dire que quand vous promenez, par exemple, dans le bois, et s'il repère une piste, le teckel, faites attention parce que, du coup, vous n'existez plus. Et ils peuvent s'en aller, justement, parce qu'ils suivent la piste. Et même si vous les rappelez. Donc, c'est pour ça que l'éducation est importante, surtout le rappel, pour que, bah, parce qu'ils voient la piste d'un gibier qui ne s'en aille pas comme ça, sans se retourner et pour se perdre. Voilà. Et puis, dernière chose aussi, faites attention, Martine, les teckels sont très fragiles du dos, de la colonne vertébrale, puisqu'ils sont très longs, hein. On appelle ça des saucisses sur pattes et c'est pas pour rien. Donc faites attention, ils sont sujets aux hernies discales, hein, comme nous. Mm-hmm. Donc il faut éviter qu'ils montent et descendent les escaliers et qu'ils montent et descendent les voitures, enfin dans les voitures. C'est à vous de porter le chien pour le mettre dans la voiture pour éviter justement ce tassement des vertèbres. Très bien. Bon, ben voilà. Mais c'est un Martine. Très bon choix. Alors, comme je vous dis, Arlequin, c'est pas une race. C'est juste une couleur dans cette race. Mm-hmm. Et après, à vous de choisir dans les trois variétés, poil long, poil court, poil dur, et puis la taille, bien entendu. Est-ce que ça s'entend bien avec les autres chiens? Si, par exemple, Martine est dans un environnement où il y a d'autres chiens, il n'y a pas de souci? Bien sûr, il n'y a pas de souci. D'accord. Bien sûr. Il faut le socialiser petit, comme tous les chiens. Plutôt mâle ou femelle? N'importe. Pas de différence. Alors, on dit que les mâles sont un peu plus difficiles à éduquer que les femelles. Alors, c'est ce que disent les éducateurs. D'accord. Alors, c'est vrai qu'en premier chien... Toutes les races ou pour particulièrement la race du teckel? Toutes les races. Donc, c'est pour ça qu'en premier chien, bien souvent, on demande aux débutants de prendre plutôt une femelle qu'un mâle. D'accord. Pour une bonne éducation. Mais enfin, Martine, je pense qu'avec votre chien, vous avez eu déjà un malinois. Donc, vous savez comment vous avez ça se été passe. Dans des cours d'éducation. Donc, voilà, c'est à vous de voir mâle ou femelle. C'est à vous de choisir. Très bien. Merci Martine pour votre appel. Laetitia, il est bientôt 6h30. On va revenir après la météo et après les infos. On reviendra sur notre quiz de la vie privée des animaux. Et je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez joindre notre veto ce matin, le 32-16, bien entendu, mais aussi le mail animaux@rmc.fr. Météo Info, on est de retour. À tout de suite. C'est RMC, bien sûr. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC. Bonjour, c'est Apolline de Malherbe. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, midi, sur BFM TV pour BFM Politique. Et cette semaine, je reçois François Baroin, longtemps un protégé de Jacques Chirac. Il est désormais l'atout maître de Nicolas Sarkozy, qui laisse même entendre qu'il fera de lui son premier ministre. BFM Politique, tout à l'heure 12h-14h et 18h-20h sur BFM TV avec Le Parisien Aujourd'hui en France et RMC. Allez, c'est l'heure de retrouver la météo de ce dimanche avec vous Jean-Baptiste Bergès. Ça a l'air moyen-moyen, hein ? C'est moyen-moyen, François. Bonjour à tous. Il fait beaucoup moins beau qu'hier et surtout c'est la baisse des températures aujourd'hui. Hier, en Nouvelle-Aquitaine, il faisait plus de 30 degrés. Seulement 22 prévus à Bordeaux aujourd'hui au meilleur de la journée. C'est d'ailleurs dans le sud-ouest que la pluie sera la plus présente aujourd'hui dès le lever du jour et une bonne partie de la journée avec des orages prévus, notamment sur le département de l'Ariège, mais aussi des orages prévus en Lozère, sur le Massif central et les Pyrénées-Orientales. En Pays de la Loire et en Normandie, le ciel est assez chargé ce matin aussi. Des averses localisées sont à prévoir, des averses qui vont se déplacer jusqu'aux Ardennes cet après-midi. Seul l'est du pays va rester bien au sec. En ce moment, le ciel est très dégagé dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, en vallée du Rhône, jusqu'au pourtour méditerranéen. Et même si des nuages vont tenter de s'imposer au cours de la journée, pas de pluie au programme. C'est d'ailleurs à l'est qu'il va faire le plus chaud ce dimanche. On attend 26 degrés à Strasbourg cet après-midi, 26 aussi à Dijon. Il fera 20 à Paris, 18 à Brest, 22 à Toulouse et 25 à Marseille. Et ce matin, le thermomètre affiche 12 degrés à Lille, 15 à Paris, 16 degrés à Tarbes et 20 degrés du côté de Toulon. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Il est 6h30, un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Pas de bruit de moteur, pas de klaxon. Paris, ville sans voiture aujourd'hui. Deuxième année consécutive que la mairie organise cette opération. Entre 11h et 18h, aucune voiture autorisée à circuler sur 45% de la surface de la capitale. La politique ce dimanche, sondage dans la presse régionale. Dernier chiffrage de la primaire, Les Républicains. C'est toujours Alain Juppé qui est en tête au premier tour. 38% des voix contre 34% à Nicolas Sarkozy. Le scénario se répète à Calais, la mort d'un migrant tard hier soir, un homme d'une trentaine d'années d'origine soudanaise happé par un train alors qu'il traversait sur le chemin de fer à deux pas de la jungle. François Hollande sera sur place à Calais demain. À l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui. Réaction à la situation dramatique dans la ville d'Alep en Syrie. 2 millions d'habitants sous les bombes du régime syrien aidé par la Russie depuis maintenant 6 jours. Aux États-Unis, la vidéo n'apporte que très peu de détails et d'informations supplémentaires, mais la police à Charlotte a été contrainte de la diffuser. Vidéo de la mort de Keith Scott qui a provoquer une vague de manifestations dans la ville. Le sport ce matin, la Ligue 1 de football, 7e journée, Monaco leader après sa victoire 2-1 sur Angers hier soir. Lyon a perdu encore 1-0 à Lorient, des victoires hier soir pour Bastia, Dijon et Metz. En clôture aujourd'hui, Marseille reçoit Nantes. Le rugby, le top 14, La Rochelle devant au classement. La belle histoire se poursuit, victoire sur Bayonne hier. Castres, Bordeaux, Bègles, Pau et Toulouse ont également gagné. 6h31 sur RMC. François Sorel, Laetitia Barlerin, Vos animaux. Thomas, je suis pas merci. Et vous revenez à 7h, bien entendu, pour développer tous ces titres d'actualité. À tout à l'heure. Et on repart avec Laetitia Barlerin, le 3216 ou animaux@rmc.fr. À tout de suite. RMC, 6h-8h, Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, il est 6h32, c'est RMC, le week-end des experts et les animaux, avec notre veto. Notre veto qui c'est ? Le veto ! Et qui est en pleine forme. Franchement, ça ne se voit pas que Laetitia, c'est le veto. Laetitia. En fin de compte, je me suis pas levée. C'est ça mon secret. Laetitia est en direct de son lit, les amis. C'est ça qui est formidable. On lui a installé un petit micro, une petite table de mixage, un petit casque. Voilà. Un petit café, c'est réglé. Non. Laetitia est physiquement à côté de nous, bien évidemment. Le 32-16 pour joindre notre veto, ou bien animaux@rmc.fr. Tout à l'heure, on parlera donc, entre autres, du chat. Caresser son chat, les amis. Est-ce que c'est mortel ? Alors, franchement, là, si vous me dites oui, Laetitia, c'est un scoop, quand même. Là, c'est fort. Pourquoi faut-il protéger les vers de terre ? On parlera aussi d'un cani triathlon qui se déroule dans le sud-ouest. Et puis, on reviendra sur la maltraitance dans les abattoirs avec cette commission d'enquête parlementaire qui vient de rendre son rapport. Mais d'ici là, bien sûr, on attend vos questions. La réponse à notre quiz de la vie privée des animaux dans une minute. Mais auparavant, Martine nous a rejoint. Bonjour Martine. Bonjour François, bonjour Laetitia. Bonjour, bonjour. Bonjour Martine. Alors moi je vous appelle parce que j'ai récupéré une petite chatte qui était sauvage chez nous. Oui. Et on l'a fait stériliser. Elle est mignonne comme tout, elle ronronne, enfin elle est adorable. Et nous avons un chien partagé, c'est-à-dire un chien qui est là toute la semaine et le week-end elle retourne chez nos enfants. Et quand la chienne est là... C'est original. Ben oui, comme ça, elle n'est pas toute seule, elle ne s'ennuie pas, quoi. Ah, c'est-à-dire, c'est la chienne de vos enfants qu'ils vont confier pendant la semaine. Oui, voilà. C'est pratique. Et c'est comme les divorcés, le vendredi soir, elle retourne chez ses parents et on la récupère le dimanche soir. Bon, écoutez, tant mieux. Alors, ça se passe bien ou pas entre eux hein? Ben, pas du tout, pas du tout. Le week-end, la chatte est adorable. Elle monte dans notre lit, enfin, et dès que la chienne arrive, je suis obligée de mettre du papier sur les vitres pour pas qu'elle se voie. Et elle ne rentre plus du tout, elle reste dans la véranda, elle ne veut plus du tout venir. Elle a très, très peur. Ça fait combien de temps que vous l'avez, cette minette? Ben, ça fait 3 mois, 2-3 mois, quoi. D'accord. Bon, vous inquiétez pas, ça fait que 2-3 mois. Après, est-ce que le chien poursuit la chatte? Enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'il veut l'attraper? Oui. Qu'est-ce qui se passe hein? Ben oui, oui. Donc, on la gronde beaucoup. On a pris un papier journal. Et puis, dès qu'elle veut, elle reçoit une petite tape. Donc, je pense qu'elle elle se calmerait. Mais c'est surtout la chatte qui a très, très peur. Je pense qu'elle a dû avoir peur dans sa jeunesse de gros chiens qui sont à côté de chez nous. Et elle a très, très peur. Dès qu'elle voit le chien, elle a très, très peur, quoi. Bon, c'est normal si elle a peur. Si c'était une chatte, entre guillemets, sauvage, c'est-à-dire qui est née dans la rue, instinctivement, elle se méfie des chiens, bien sûr, comme tous les chats des rues qui se méfient des chiens, petits ou grands. D'autant ouais. plus que le Westie, c'est plutôt des chiens aussi qui ont tendance à poursuivre les chats dans la rue. Et puis, ça devient presque un jeu. Mais voilà, vous avez deux espèces qui ne parlent pas la même langue et qui doivent cohabiter. Donc, c'est sûr que ça peut poser problème. Et c'est pour ça que votre chatte se sent mieux quand le chien n'est plus là. Vous voyez la différence le week-end où elle devient plus câline, oui. où elle rentre chez vous, etc. Alors, d'abord une chose. Quand la chatte se rebiffe contre le chien, il ne faut jamais intervenir. Ça, c'est important. C'est-à-dire que il faut que ça soit la chatte qui impose sa loi à la maison. Et donc, voilà, ça, c'est le plus important. Il n'y a, pas de confrontation parce qu'elle fuit. Dès qu'elle la voit, elle fuit. Alors, je vous dis ça parce qu'à un moment ou à l'autre, elle va être coincée avec la chienne et elle va riposter. Hein, donc, je vous dis ça, dans ces cas-là, ça sera très bien. Il faudra qu'elle s'impose par rapport à la chienne. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger, il n'y en a jamais eu. Voilà, elle va s'imposer, elle va grogner, elle va peut-être lui donner une baffe, mais il ne faudra pas intervenir parce qu'elle sera en train justement de lui montrer que, voilà, c'est pas une proie, elle est juste, elle sait se défendre et qu'elle est aussi chez elle. Alors, c'est vrai qu'il faut éviter que la chienne course la chatte, mais il ne faut pas les séparer. Ça, c'est d'accord. l'erreur. C'est-à-dire que plus vous allez les séparer, plus y aura un problème de cohabitation entre les deux. Au contraire, il faut qu'ils cohabitent. Il faut qu'ils cohabitent, mais il faut mettre certaines règles en place. D'abord, peut-être interdire une pièce au chien. Par exemple, votre chambre. Vous pouvez décider que votre chambre, c'est la chambre pour vous et votre chat, et que le chien ne vienne pas dans la chambre. Il faut qu'il y ait un refuge chez vous. Voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important. Alors, si la chienne rentre quand même dans la chambre, ce que vous pouvez mettre, c'est une barrière pour enfants. Voyez, à la porte de votre chambre, pour que la chienne n'aille pas dans la chambre. Comme ça, la chatte, elle sait qu'il y a au moins une pièce, alors avec la véranda peut-être, mais au moins une pièce où elle est en sécurité. Elle est en sécurité. Mmh. Ensuite, voilà, la véranda, elle sait qu'elle est en sécurité. Voilà. Elle dort, voilà. C'est très bien, c'est très bien. Ensuite, il faut chez vous, pour qu'elle puisse quand même venir chez vous, aménager des choses en hauteur pour qu'elle puisse trouver refuge. Parce qu'il y a toujours cette idée de refuge pour bien lui dire d'accord. que, de toute façon, passer 50 cm, de toute façon, la chienne ne peut pas l'attraper. Donc ça, elle va vite comprendre. Et donc, il va falloir trouver, même aménager avec des coussins en hauteur, etc., sur des meubles, sur des étagères, vous enlèverez par exemple des livres. En tout cas, il faut vraiment voir ça en 3 dimensions et faire en sorte que la chatte puisse aller en hauteur. Et très vite, elle va à comprendre que de toute façon, cette chienne, elle peut pas sauter sur les meubles. Donc voilà, ça va la rassurer elle. Pour la rassurer, moi, je mettrai un diffuseur de phéromones féline. J'y ai pensé, mais comme la véranda, la trappe reste en permanence ouverte parce qu'elle s'est pas encore poussée la trappe. Donc je me suis dit, si je mets non, ça... Non, vous inquiétez pas. Ça va aller. Ouais. Oui, ça va pas. Tout ne va pas aller à l'extérieur. Ça va vraiment autour du diffuseur. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le mettre sans problème. Et puis, ce qui est important aussi, c'est beaucoup sortir le chien. Tout simplement pour le fatiguer. Parce que comme ça, il pensera moins à se dire en revenant, tiens, en fait, il y a une minette dans la maison. Si je m'amusais à savoir où elle est et à l'attraper. Voilà. Tout simplement. D'accord. Mais de toute façon, elle sent quand la chienne est revenue parce que on ne la voit pas de la journée. Elle ne vient que le soir. Voilà. Manger. On ne la voit pas de la journée. Vous inquiétez pas. Petit à petit, elle va voir que cette chienne n'est pas dangereuse pour elle. Et qu'elle fait partie de la maison. Voilà, vous inquiétez pas. Faites aussi en sorte que la chienne, par exemple, elle vienne dans vos bras, qu'elle y ait l'odeur de la chienne sur vous. Comme ça, quand la chatte vient, elle va sentir qu'elle a l'odeur de la chienne, mais elle va sentir que c'est l'odeur de la famille. D'accord. Donc petit à petit, alors ça va mettre longtemps, vous inquiétez pas Martine, ça fait que 2 mois, c'est pas beaucoup. Ça va mettre plusieurs mois, mais dans plusieurs mois, vous allez voir un changement chez les deux. Merci beaucoup Martine pour votre appel. Dans quelques instants, Laetitia, nous aurons Jacques qui a un scottish qui aura 6 mois et qui mord sans raison. Le scottish qui mord, que se passe-t-il ? Alors, un scottish fold ou un scottish terrier ? On aura la réponse dans un instant, on va retrouver Jacques dans une minute. Mais auparavant, c'est le quiz de la vie privée des animaux et là, nous remontons au 10e siècle, Laetitia. Et oui, et des scientifiques anglais viennent de s'apercevoir qu'une décision papale du 10e siècle a eu des conséquences inattendues. Inattendues. Mais oui, parce que la décision ne concernait pas les animaux, sur les animaux d'élevage. D'accord. Quelles sont ces circonstances ? Alors, 3 propositions. Soit la naissance des poules pondeuses, soit la naissance des vaches laitières, soit la naissance de l'élevage de foie gras. Bon, alors ma sensibilité gastronomique choisirait la proposition numéro 3, Laetitia. Celle que vous préférez ? L'élevage de foie gras ? Sur des toasts grillés. Oh non. Mais quand je regarde sur le mail animaux@rmc.fr, j'ai Valérie, Laurence, mais aussi Linda Canel et Elios qui me proposent les poules pondeuses. Donc, comme je suis aveuglément les avis des auditeurs, je vous propose les poules pondeuses et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. C'est le dernier mot des auditeurs. C'est le dernier mot des auditeurs. Aïe, aïe, aïe, si vous dites ça, c'est que c'est la bonne réponse. Parce qu'autrement, Bien. Et c'est vrai. Mais je pensais aussi aux poules pondeuses. Hein. Et ils ont raison. Ah. Mais savez-vous pourquoi ? C'est ça le plus important quand même. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Parce que, je sais pas, il fallait manger plus d'œufs. Alors, les scientifiques ont fait des recherches sur la génétique, sur le génome des poules. Oui. Et selon les races, et surtout les poules pondeuses, et sont aperçus qu'il y avait vraiment une sélection d'un nouveau gène, qui est le gène qui permet aux poules de pondre plus, et pondre toute l'année pour que nous ayons des œufs, bien entendu, est apparu justement au milieu du 10e siècle. Et ils se sont dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Donc, ils ont fait appel à un historien qui leur a dit que, justement, au milieu du 10e siècle, l'Église catholique a demandé aux catholiques, donc, de ne manger pendant 130 jours que de ne pas manger pendant 130 jours par an des animaux à 4 pattes. C'est pas vrai. Donc, s'ils ne pouvaient pas manger d'animaux à quatre pattes... À deux, ça, c'était un... Pendant 130 jours, il y avait quoi comme autre choix ? Des animaux à 2 pattes. Voilà, ou des animaux sans pattes. Oui, des animaux sans pattes. Poissons. Comme les poissons, c'est ça. Donc, du coup, les poules qui étaient... Bon, On faisait plutôt des élevages de coqs qui se battaient entre eux, vous voyez, ouais. les combats de coqs, c'était très à la mode à l'époque. Et puis on avait des poules qui étaient fines, qui pondaient des œufs, mais c'était pas vraiment un élevage qui était construit, etc. Et à partir de ce moment-là, on s'est intéressé aux poules. Et on a fait vraiment un travail de sélection sur les poules pour sélectionner des poules plus grosses. Bah oui, parce qu'il fallait les manger. Et bien sûr. Et des poules qui pondaient plus d'œufs. Et d'accord. Et c'est à partir de là où vraiment l'élevage de poules, comme on le connaît aujourd'hui, a vraiment démarré. Mais c'est étonnant qu'à l'époque, pendant 130 jours, on ne pouvait pas manger d'animaux avec quatre pattes. Voilà. C'est dingue, hein? Par an. On pouvait manger des humains, alors. Je ne sais pas s'il l'a précisé ou pas le pape, mais en tout cas, c'est les animaux à quatre pattes. C'est étonnant, les religions, quand même. Bon, très bien. Laetitia, on va revenir dans un petit instant. Il est pratiquement 7h moins le quart sur RMC et nous accueillerons Jacques qui va nous parler de son Scottish qui va bientôt avoir 6 mois et qui mord sans raison. Ça, c'est embêtant. On en parle dans une minute et puis je vous rappelle que tout comme Jacques, vous pouvez nous joindre au 3216 ou animaux@rmc.fr. Laissez-nous votre numéro de téléphone au passage par mail, comme ça on vous rappelle dans la foulée. À tout de suite. RMC 6h-8h. Vos animaux. Entreprises et salariés du transport, conducteurs, passagers, en cas d'arrêt cardiaque, vous avez tous un rôle à jouer pour sauver des vies. Rejoignez la Fondation Carsetprev et l'association RMCBFM à la gare routière de Clermont-Ferrand, place Gambetta, jeudi de 10h à 18h pour apprendre les gestes qui sauvent et l'utilisation d'un défibrillateur. Découvrez les étapes sur www.lesprosdelaroute.org et suivez l'opération sur la page Facebook de l'association RMCBFM. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute, et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus près du SMS. RMC, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlera. C'est heure moins le quart, c'est RMC, le week-end des experts des animaux. Et notez que dans un quart d'heure, on retrouvera la météo et les infos de 7h. Mais d'ici là, place à vos questions, à vos interrogations, vos témoignages aussi. Vous savez que ce rendez-vous, c'est avant tout le rendez-vous des amoureux des animaux. Donc si vous avez envie de nous appeler pour parler de votre chat, de votre chien, de votre poisson rouge, n'hésitez pas. RMC vous propose un rendez-vous unique en France, un dédié aux animaux, tous les dimanches, 6h-8h. Jacques est avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour François. Bienvenue Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors, vous avez un Scottish. Alors moi, ma question c'est, est-ce un Scottish Fold ou un Scottish Terrier? Scottish Terrier. Ah, c'est un terrier, ouais. Voilà. Bah oui, parce que Scottish Fold, c'est un chat, et Scottish Terrier, c'est bien sûr un chien. Oui, bien sûr, sans aucun doute. Pardon? Sans aucun doute, c'est un chien. Alors, c'est un chien, Jacques, d'accord. Jacques, on a un petit problème avec votre téléphone. Parlez bien en face du micro, parce que c'est incompréhensible. Alors voilà, Jacques est en train de prendre son téléphone parce qu'il l'avait accroché au pied. Et là, il remonte jusqu'à sa main. Vous êtes là, Jacques, ou pas? Je suis là. Ah. D'accord. Dites à votre chien de lâcher le téléphone. Oui. Ça marche plus, là. Ou alors, j'ai l'impression qu'il est dans le ventre du chien et que vous parlez au ventre du chien, en fait. Lâche. Et là, vous m'entendez mieux? Ah, là, c'est mieux, Jacques. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Vous pouvez remercier votre chien. D'accord, merci. Donc, alors qu'est-ce qui se passe avec ce Scottish? En fait, c'est pas mon chien, c'est le chien d'une amie, mais j'ai voulu avoir les conseils de Laetitia pour lui faire une surprise. Oui. Bah, écoutez, voilà, elle l'a depuis l'âge de 2 mois, elle a 6 mois cette semaine, elle a eu 6 mois cette semaine. Oui. Et elle mord tout, les chaussures, les lacets, les fermetures éclair. Oui. Les boutons de chemise, enfin tout quoi. Je dois dire quand même que maintenant, ça commence à s'arranger un petit peu quand même. D'accord, mais elle vous mord pas vous? Ah si, ah si, elle nous mord. Enfin, elle mordille, si. C'est pour jouer. Au début, elle a mordu à 100, hein, quand même. Hein. Uh-huh. Ah oui. Non, maintenant, elle ne serre plus, maintenant. Elle ouvre la gueule, elle fait le geste, uh-huh. Mais elle appuie pas. Bon. Bah, il va falloir quand même lui dire de pas du tout même ouvrir la gueule, hein. C'est simple. on va passer au stade d'après, hein. Elle n'ouvre plus la gueule. Bon, faut savoir quand même qu'à 6 mois, bon, même si 6 mois, voilà, c'est encore un chiot, les chiots, on sait, ils aiment bien porter à leur bouche tout ce qu'ils trouvent dans leur environnement. C'est leur façon d'explorer le monde, si vous voulez, en gros. Ouais, bien sûr. Donc, ils aiment bien, voilà, mâchonner, etc. Alors, il y a deux choses. D'abord, ils ont besoin de porter à leur bouche tout ce qu'ils trouvent de nouveau parce que c'est marrant, parce que voilà. Deuxième chose, on a aussi l'effet des dents. Bon, là, elle va, à 6 mois, ça, c'est pour ça que ça va se calmer. Parce qu'elle vient de changer ses dents, hein. Elle vient de perdre ses dents de lait. Et là, elle a ses nouvelles dents. Et donc, du coup, c'est vrai que ça titille un peu, au niveau des gencives. Donc, ils ont besoin, justement, un petit peu comme les enfants, les bébés, de mâchouiller. Et c'est une période un peu difficile jusqu'à 6 mois où ils ont besoin vraiment d'avoir quelque chose, dans la gueule pour atténuer, pour apaiser un petit peu les souffrances qu'ils ont au niveau, des gencives. Et puis. Elle a des jouets, hein, elle a des jouets. Et voilà, alors ce qu'il faut, c'est moi, je lui apporter aussi des petits os en buffle. Très bien, très bien. Alors moi, je donnerais plutôt des, vous savez, des choses à mâcher pour les dents, des bâtonnets, des choses comme ça, des os aussi en synthétique, ça existe aussi, des très bonnes marques qui font ça pour qu'elles mâchouillent dedans, des jouets où on peut mettre des friandises dedans et qu'il faut aussi mâchouiller pour faire descendre la friandise, ça aussi, ça peut marcher. Ouais. Essayez, vous allez voir en animalerie, il y a énormément de choses de jouer à mâchonner pour les chiots. Donc vraiment, il faut lui en donner. Et puis, il faut ranger les chaussures, bien sûr, parce que quand vous n'êtes pas là, les chaussures, il y a une bonne odeur et en plus c'est du cuir, donc c'est tout ce qu'il faut. C'est tellement sympa. C'est tellement sympa. Et puis voilà. Et puis surtout, Jacques, il faut lui apprendre le nom. Quand c'est non, c'est non. Et ça, il faut insister. Vous savez, c'est comme les enfants. C'est pas au premier non que le chien, il comprend. C'est au centième non qu'il comprend. Donc, il faut aller jusqu'à 100. Hein, je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Donc, ça veut dire que vous dites à votre ami que, OK, il a 6 mois, il est mignon. Il est mignon. Mais ce n'est plus un bébé, il faut l'éduquer et il faut qu'il y ait des limites et lui mettre des limites, ça va le structurer. Donc quand il commence à renifler ses chaussures, c'est non. Quand il commence à renifler autre chose qu'il veut mettre en gueule, c'est non. Et c'est donne s'il l'a en gueule. Et donc il faut vraiment, ça fait partie de l'éducation. Et puis pareil, quand il commence à ouvrir sa gueule et qui pince votre main, c'est non aussi. Et éviter justement les jeux où il aura tendance, dans l'excitation, à prendre votre main pour la mordiller. Ah oui, d'accord. Oui, j'avais remarqué ça. En balançant, par exemple, les bras, hop, elle vient attaquer la main tout de suite. Voilà. Et vous savez, souvent, ces chiens-là, c'est des chiens qui manquent d'activité. Donc, il vaudrait mieux qu'elle sorte beaucoup plus, cette chienne, que 2 fois matin et soir, n'est-ce pas? Il faudrait qu'elle sorte vraiment beaucoup plus, qu'elle rencontre d'autres chiens, qu'elle mordille d'autres chiens, comme ça, elle va voir que ça fait mal, et qu'elle joue, qu'elle a beaucoup d'énergie en elle, et je pense que une partie de cette énergie, elle la consacre à mâchouiller des choses interdites. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument la sortir, la faire jouer, la faire rencontrer beaucoup d'autres chiens, qu'elle s'éclate, qu'elle soit épuisée le soir en rentrant à la maison, et du coup, elle oublie de mâchouiller les chaussures de madame. Mais on peut dire non en élevant la voix. Je veux dire, il faut élever la voix. C'est pas dans le nombre de décibels que vous aurez un résultat. C'est plus dans l'expression. C'est le non sec avec des sourcils froncés et vous regardez le chien et c'est un non sec et voilà, il y a pas d'autre chose. C'est pas en élevant ça sert à rien d'élever la voix avec un chien. Vous pouvez très bien lui dire non en soufflant le non. C'est votre expression à vous. C'est vous penchez sur le chien, vous dites non, et vous froncez les sourcils. Et c'est très bien que vous n'êtes pas content. Mais je vois par exemple quand elle essaye de faire un trou dans le jardin, en même temps elle regarde sa maîtresse. Ben oui, parce que ça lui permet justement d'avoir le regard de sa maîtresse et une demande d'attention. Donc ça veut dire que ce chien, c'est pas qu'il manque d'attention, c'est qu'il manque d'activité. Et voilà, c'est ça. Comme 90% des chiens. Donc il faut le sortir. Donc plus il souvent. Faut le sortir de ce fameux jardin. Mm-hmm. Ce chien s'ennuie dans le jardin et tout ce qu'il trouve à se dire, c'est tiens, j'aimerais bien que ma maîtresse soit dans le jardin, donc je vais creuser un trou comme et ça ma la maîtresse du temps, elle sera elle là. Vient et tout, voilà. Et etc. voilà, et il a compris l'histoire. Voilà, donc merci, il faut Jacques. Sortir ce chien. Merci beaucoup. Et si tout comme Jacques, vous voulez joindre notre veto, le 3216 animaux@rmc.fr. Et après Jacques, c'est Marie que nous accueillons. Bonjour Marie. Bonjour Jacques, bonjour Laetitia. Jacques, non. Jean-Paul Jacques est toujours là, mais c'est François et Laetitia. Mais c'est pas grave Marie. Bonjour Marie. Je me suis trompée. Mais oui, c'est pas bonjour, grave, c'est François pas grave. Non, mais c'est son deuxième nom. Oui, c'est vrai. Oui, voilà, bon. Qu'est-ce qui vous arrive, Marie ? J'ai été surprise de, voilà, d'arriver à passer chez vous. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive, Marie ? Racontez-nous. Alors, moi, j'ai entre autres, j'ai plein d'animaux, j'ai deux tortues. Deux tortues de terre ? Oui, tortues de terre. Et donc, elles ont 8 ans, 9 ans. Hein. Oui. Et il y en a une particulièrement qui vient faire ses besoins sur la terrasse. Oui. Donc, alors, c'est bizarre, parce que quand elle marche, elle est en hauteur, sa carapace ne touche pas le sol, et quand elle a fait ses besoins, elle tourne, et elle retourne dedans, donc ça me fait Et elle vient sur votre terrasse. Elle a un jardin. Oui. Elles sont en liberté, donc c'est un petit jardin. Je suis en rez-de-jardin dans un appartement, hein. Donc c'est un petit jardin de 40 mètres carrés. Elles sont en liberté et elle vient toujours au même endroit faire ses besoins. Alors quand je suis là, ben je ramasse de suite les choses. Quand je suis pas là, ben j'arrive à sécher parce que comme elle a bien étalé ça, enfin et tout. C'est une horreur et c'est une infection parce que ça pue énormément. Bah oui. Donc, voilà, il faut savoir. Marie, vous savez pourquoi elle vient sur votre terrasse ? Non. Parce qu'il fait chaud sur une terrasse. Oui. Et oui, parce que c'est quand même l'endroit chez vous où il fait le plus chaud, parce que j'imagine que votre terrasse, elle est en plein soleil, en tout cas, elle n'est pas côté nord. Non, elle est à l'ouest, c'est-à-dire que c'est le soleil plutôt l'après-midi et le soir. Voilà. Eh bien oui. Alors, les tortues cherchent la chaleur, bien entendu. Et c'est pour ça qu'elles aiment bien aller sur les terrasses, qu'elles aiment bien aller sur les endroits qui gardent la chaleur, parce que la terrasse garde la chaleur plus que le jardin, où l'herbe, où c'est un peu plus humide. Dans le jardin, j'ai tout le tour du jardin. J'ai sur 60, 80 centimètres de l'air, en fait, des plantations. Et au milieu, j'ai du gazon artificiel. Le gazon artificiel, c'est pas ce qui garde le plus la chaleur. La terrasse, c'est génial pour ça. Ouais. Pour les tortues, c'est super. Et alors, vous savez quoi? Ça fait un peu plan de chat. Voilà, c'est un peu, voilà, ça, elles brûlent bien sur la terrasse. Elles adorent la chaleur. Et alors, effet, quand même, deuxième effet de la terrasse chaude, c'est que, quand la tortue est dans un environnement très chaud, on a une accélération de sa digestion. Aïe, aïe, aïe. D'où après le carnage sur la terrasse. D'où elle se soulage. Oui. Voilà. C'est-à-dire elle se soulage là où il fait chaud et où elle peut bien digérer. Vous voyez l'histoire ? Oui, d'accord. Donc, je vois pas ce que je peux... on peut pas... Une odeur qui n'émet pas. Si vous pouvez mettre un grillage, vous voyez, pour qu'elle vienne pas sur la terrasse, tout simplement. Vous pouvez mettre un obstacle pour qu'elle vienne pas sur la terrasse, bien sûr. Vous n'allez pas mettre une odeur. Il faut, voilà, vous pouvez pas lui apprendre la propreté non plus, parce que les tortues font là quand elles ont envie, c'est tout. Oui. Mais ce qu'il faut, c'est aussi bien nettoyer la terrasse, par contre, parce que vous savez que. Les reptiles peuvent porter une bactérie qui s'appelle les salmonelles. Donc il faut, si vous avez par exemple des enfants qui viennent après sur la terrasse, voyez ce que je veux dire. Donc il vaut mieux bien nettoyer la terrasse quand la tortue a fait ses déjections. À la javel. Voilà. Déjà bien nettoyer avec du savon de Marseille, ça suffit. Hein, mais voilà, il faut bien la nettoyer pour éviter cette contamination par les salmonelles, même si peut-être qu'elle n'en a pas, mais on ne sait jamais. Mais j'ai pas de solution concernant la terrasse. Elle adore la terrasse, votre tortue, parce qu'il fait chaud. Et elle adore les doigts de pied parce qu'elle mord, elle me court après quand. Comme ça, et bon, elle me mord les doigts de pied aussi. Est-ce que vous avez du vernis sur les doigts de pied ? Non, pas forcément. Parce que souvent, c'est les vernis qui attirent les tortues. Et c'est vrai qu'elles adorent les doigts de pied, les tortues. Alors, je ne sais pas si ça leur représente des têtes de tortue ou si ça représente autre chose. Je ne sais pas pourquoi. La deuxième, qui est un peu plus petite, bon, qui a le même âge, ne me court pas après. Tandis que celle-là, oui, elle a tous les défauts, celle-là. Elle me court après, et voilà. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit d'essayer le répulsif pour serpent, mais on m'a dit comme c'était plus par rampe, ça serait peut-être pas efficace. Non. À base de géraniol. Géranium. Le géranium, le géraniol qui est de l'essence de géranium est éventuellement répulsif pour les chats et les chiens, mais pas du tout pour la tortue. Mais... Donc rien à voir. Tout ça, vous allez dépenser votre argent pour rien. Si vous devez dépenser votre argent, Marie, faites une petite clôture. Mm-hmm. haute comme faites attention quand même parce que les tortues grimpent hein. Mais faites une petite tortue, une petite clôture pardon, autour de votre terrasse pour éviter qu'elles viennent sur votre terrasse. Je vois que ça. Merci Marie et une caresse aux tortues. Laetitia, on revient dans quelques... Elles aiment bien les, oui, les caresses. Oui, bien sûr. Mais ça peut être affectueux, une tortue. Mais bien sûr, ça aime bien les doigts de pied, vous voyez. Oui, ça mordit. Hein. Laetitia, bientôt 7h, la météo, les infos. Le temps peut-être pour vous de vous offrir un petit café. Et on revient pour la deuxième partie de ce rendez-vous animaux de ce dimanche matin sur RMC. Avec toute l'actualité de la semaine dans le monde des animaux. On va parler de chats, on va parler de vers de terre, on va parler de cagnettes à Thlon tout à l'heure. Et puis, bien sûr, vos questions. 32-16 si vous voulez nous joindre, c'est le moment ou jamais. A tout de suite. RMC, vos animaux. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, les enchères sont ouvertes. Chaque jour, dans des ports américains, des conteneurs que personne ne réclame sont vendus aux plus offrants. Soit c'est le jackpot, soit la douche froide. Enchères à tout prix, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. La météo de ce dimanche sur RMC avec Jean-Baptiste Bergès avec une perturbation qui est en train de traverser la France. C'est ça, le programme de ce dimanche, de l'humidité et de la baisse des températures. Alors ce matin, il va pleuvoir du sud-ouest à la Normandie. Le ciel sera un peu plus variable en Bretagne, mais il restera par contre très dégagé à l'est du pays. Et cet après-midi, ce sera toujours assez humide en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, mais aussi à l'ouest de l'Auvergne-Rhône-Alpes avec des orages prévus sur le Massif central, en Lozère, sur les Pyrénées-Orientales et en Ariège. Au nord-ouest, on aura une alternance de nuages et de soleil en Bretagne à l'arrière de cette perturbation. Par contre, les pluies du matin vont se déplacer sur l'île de France pour gagner le Nord-Pas-de-Calais jusqu'aux Ardennes. Seule la bande est du pays sera épargnée par ces dégradations. C'est d'ailleurs là-bas, à l'est, que les températures seront les plus élevées. On attend 26 degrés à Strasbourg. Il fera 20 degrés à Paris, 21 à Rennes, 22 à Toulouse et 26 à Nice. Ça, c'est pour cet après-midi. Et ce matin, il fait 9 degrés à Nancy, 14 à Rouen, 17 à Bordeaux, 16 degrés à Montpellier et 18 degrés à Nice. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 15h, Football Ligue 1, Saint-Étienne-Lille. 16h15, Rugby Top 14, Le Choc, Toulon-Clermont. 17h, retour à la Ligue 1 avec Nancy-Nice, suivi à 20h45 de Marseille-Nantes. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Un excellent dimanche avec RMC, il est 7h. Toute l'actualité, Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, une capitale mondiale sans voiture, dans les rues. Paris aujourd'hui, deuxième opération de ce type qui fait des heureux, mais qui provoque aussi un peu de colère. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui, réunion d'urgence avec comme thème le cauchemar d'Alep en Syrie. Et puis les sports, le football, Monaco renoue avec la victoire et retrouve sa place de leader de Ligue 1. Il est 7h sur RMC, bonjour à tous. Le silence dans 45% des rues de Paris. Le silence et un air moins pollué selon la mairie. Opération Paris sans voiture ce dimanche. Mieux vaut laisser les clés dans le placard et privilégier le vélo, le roller ou la trottinette. Certains quartiers ont d'ailleurs une certaine expérience plus ou moins heureuse en la matière, Charlotte Perronnet. Si vous vous baladez le dimanche dans la rue des Rosiers, des Francs-Bourgeois ou encore des Blancs-Manteaux, impossible d'entendre. Ou encore... Seuls les vélos et les piétons sont autorisés à fouler les rues pavées, une galère pour les riverains comme Vincent. C'est un bazar. Première chose à faire, moi, je serais un homme politique, mettre des transports en commun et après, on supprime plus ou moins la voiture. Mais là, les gens dans les transports, c'est des bestiaux. Mais tous ne partagent pas cet avis. On voit des gens au lieu d'entendre des voitures. Et justement, ces gens sont nombreux à franchir le pas de la porte de la boutique de Jérôme. Un dimanche sans voiture, une aubaine pour ce bijoutier. Le dimanche, c'est une de nos meilleures journées, voire même la meilleure journée de la semaine. Je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui profitent justement que le quartier soit bouclé à la circulation pour se balader tranquillement et pas avoir à subir les klaxons, tout ça. Et ça promet d'être encore le cas aujourd'hui puisque la dernière opération Paris sans voiture avait permis de diviser par deux le bruit dans la capitale. Le reportage de Charlotte Perronnet, 38% des voix au premier tour contre 32. Alain Juppé reste favori de la primaire Les Républicains. 6 points devant son rival Nicolas Sarkozy, sondage BVA pour la presse régionale ce matin. La politique, c'est aussi aujourd'hui le retour de l'homme du centre, université d'été du Modem en Bretagne. Et pour conclure, François Bayrou à la tribune, le maire de Pau qui souffre aujourd'hui dans les sondages, dans Le Parisien ce matin, 70% des personnes interrogées ne le voient pas faire un bon président. François Bayrou l'a semble-t-il compris, d'où son soutien peut-être depuis des mois à Alain Juppé. Et Yann Verling, porte-parole du Modem, explique ce choix. Alain Juppé a démontré sa capacité par sa personnalité, par son refus de tomber dans des facilités de langage et dans des extrémismes de toutes sortes. Il a montré la capacité à pouvoir représenter la famille centriste, en plus de sa famille politique à lui, qui est la droite. C'est un message peut-être original, hein, pour une fois, dans le paysage politique, de pouvoir dire qu'on peut soutenir quelqu'un d'autre que quelqu'un de notre formation politique. Mais ça nous paraît être normal, parce que c'est aussi ce que notre électorat peut partager avec nous, et on est en phase avec lui de ce point de vue-là. Yann Verling interrogé par Stéphanie Collier. Charlotte, Caroline du Nord et les policiers obligés de diffuser leurs vidéos aux États-Unis. La vidéo de l'opération qui a mené à la mort de Keith Scott, abattu par les forces de l'ordre et qui a provoqué une vague de manifestations sur place. Vidéo où il reste impossible de savoir si la victime était une menace ou pas, si Keith Scott portait une arme ou pas. Mais pour le chef de la police de Charlotte, Keir Putney, il n'y a aucun doute. La vidéo elle-même n'est pas suffisante pour avoir une certitude absolue sur cette affaire. Les images permettent seulement de renforcer toutes les autres informations, des preuves physiques, les témoignages des témoins et des officiers de police. Il y avait de fortes raisons pour interpeller cette personne. Au-delà de la possession d'une arme, c'était à cause d'une activité criminelle. Au vu de l'ensemble des éléments, nous sommes certains qu'il était en possession d'une arme à feu. Voilà les précisions du chef de la police à Charlotte. Le Conseil de sécurité de l'ONU va donc se réunir en urgence aujourd'hui. La colère de Paris, Londres et Washington face au drame qui se joue à Alep, la deuxième ville syrienne sous les bombes du régime soutenu par la Russie depuis maintenant 6 jours. Anaïs Sens, quelques scènes racontées par les habitants suffisent à comprendre l'horreur vécue sur place, Anaïs. Oui, 45 civils tués sur la seule journée d'hier, tous morts sous les bombes, 47 la veille. Cette semaine a été rythmée par des bombardements quasi incessants et des habitants qui restent cloîtrés chez eux. Les rues sont désertes car le danger dehors est bien réel. Hier, 7 personnes ont été fauchées par une bombe alors qu'elles faisaient la queue pour acheter du yaourt. Les 2 millions d'habitants doivent aussi faire face aux risques sanitaires. La totalité de la ville étant privée d'eau courante. Et puis ces paysages de désolation, des rues entières ont été détruites. Des témoins affirment voir les immeubles tomber comme des châteaux de cartes dans cette ville littéralement coupée en deux. D'un côté, les rebelles, de l'autre, les fidèles au régime syrien. Rien, tous des civils en tout cas, à la merci des combats. Les précisions ce matin d'Anaïs Sens. Le scénario se répète à Calais, la mort d'un migrant tard hier soir. Un homme d'une trentaine d'années d'origine soudanaise happé par un train alors qu'il traversait sur le chemin de fer à 2 pas de la jungle. François Hollande sera sur place à Calais demain. Et puis la rentrée scolaire, c'est déjà loin, mais les quelques semaines qui suivent, les premiers jours d'école, c'est le moment où apparaissent ces petites bêtes dans les cheveux de vos enfants. Alerte aux poux. Si vous êtes parents, vous avez certainement vu les affiches dans les écoles. À Marseille, certains ont d'ailleurs décidé de prendre le problème au sérieux. Éric Miguet, des salons spécialisés ont ouvert leurs portes. En cette rentrée, Samira a de quoi s'arracher les cheveux. Ses deux filles sont dans la même école et les deux ont attrapé des poux. C'est un fléau, grosse catastrophe, et c'est la hantise des parents. Shampoing, brossage, rien n'y fait, les poux sont toujours là. Désespérée, Samira a poussé les portes du salon Kids Poux. Comme dans un vrai salon de coiffure, les enfants sont face à un grand miroir. Dans leurs mains, une tablette tactile diffuse des dessins animés. Le temps d'aspirer, brosser le moindre poux et les lentes incrustées. Mèche à mèche, c'est vraiment un travail très minutieux. Laurence Goya est la gérante de Kids Poux. En fait, c'est un petit peu ce que faisaient nos grands-mères à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, ni les parents ni les grands-parents ont le temps de faire ce genre de choses. Et en fonction de la longueur des cheveux, comptez entre 60 et 80 euros les deux séances. Samira a fait le calcul. Les produits de poux sont extrêmement chers. L'un dans l'autre, mais c'est le même prix. À la sortie, tous les poux sont parti, mais pour enfin dire adieu les poux. Kids Poux recommande de brosser régulièrement les cheveux des enfants. Il est 7h06 sur RMC. 2-1 face à Angers, Monaco a retrouvé le chemin de la victoire hier soir et Monaco a repris sa place de leader de Ligue 1 de football. Satisfaisant pour l'attaquant Valère Germain. Très difficile, une ambiance un peu bizarre au Louis II, il n'y avait pas trop de rythme en première mi-temps, on avait du mal à trouver des espaces. Voilà, la deuxième mi-temps était un peu mieux, même si on a encaissé un but assez rapidement. Au final, on retiendra les 3 points, à la fin de championnat, on ne se souviendra pas qu'on a fait un mauvais match, mais on se souviendra des 3 points, donc c'est le plus important. Il faut continuer d'avancer, continuer d'être en tête du championnat et voilà, bien récupérer, parce qu'il y a encore un gros match qui nous attend. Le sort inverse pour l'OL. Lyon qui est allé perdre 1-0 chez la Lanterne Rouge hier à Lorient, même score pour Bastia face à Guingamp et pour Metz à Montpellier. Dijon écrase Rennes 3-0, 0-0 entre Bordeaux et Caen. La suite aujourd'hui. Pour conclure, l'OM qui reçoit Nantes ce soir. Le football de l'autre côté de la Manche. La Première Ligue et le premier but cette saison de l'homme le plus cher de l'histoire du football, Paul Pogba, qui a marqué avec Manchester United. Manchester qui a battu Leicester 4-1 hier. C'est mon premier, c'est important pour moi. Franchement, c'est quelque chose de beau, je vais savourer ça. C'est une victoire qui est très importante, je pense. pour nous relancer. Parce que c'est vrai que les deux derniers matchs en championnat, on a perdu. Donc c'était important de reprendre, de ressentir ce sentiment de victoire. Et voilà, il faut juste continuer. Et puis il a manifestement envie de souffler un peu. Le meilleur nageur français du moment, Florent Manaudou, double médaillé à Rio JO cet été, est semble-t-il un peu usé, Julien Richard. Oui, à bientôt 26 ans, il va faire une pause sans annoncer pour autant la fin de sa carrière, sans donner non plus la durée précise de cet arrêt. Une pause pour souffler, se consacrer à ses autres passions comme la musique, le cinéma. À Rio, Florent Manaudou avait émis l'idée d'une reconversion dans le handball. Selon nos informations, il a effectué un test avec l'entraîneur-joueur d'Aix-en-Provence, Jérôme Fernandez, en tête-à-tête avec l'ancien capitaine des Bleus pour le situer techniquement ballon en main. Et même s'il resterait du chemin avant de le voir passer de l'eau chlorée au terrain de hand, l'idée n'est pas forcément écartée. Une pause qu'il mettra surtout à profit pour réfléchir à son avenir dans la natation, avec un exemple à suivre peut-être pour lui, l'Américain Tony Irvine, champion olympique du 50 mètres en 2000, retraité pendant 8 ans, avant de revenir et de décrocher 16 ans plus tard à Rio le titre, un centième devant Florent Manaudou. Les précisions de Julien Richard, 7h08 sur RMC, François Sorel. À vous, les courses à Vincennes aujourd'hui. Exactement, tiers écarté, quintet plus, donc voici les pronostics de la Dream Team. Sébastien Darras est confiant avec le 11 Classic Way et le 12 Cœur Baroque. Brahim Asloum, lui, reste fidèle au 15 Traders. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 7 Chicago Blues et le 10 Cara Williams. Le 11, le 12, le 15, le 7 et le 10. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Dans un instant, ce sera notre deuxième partie de ce rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin. On ira sauver les vers de terre. On découvrira un cani triathlon dans le sud-ouest et toute l'actualité des animaux de cette semaine. Et vous pouvez bien sûr nous appeler au 32-16. A tout de suite. J'ai 20 secondes pour vous dire que chez Feu Vert, ce sont les 30 jours de l'expert. 30 jours d'offres tip-top. Exemple, pour votre carte grise, Feu Vert s'occupe de tout et vous offre 10 euros sur votre prochain achat. Mais attention, vous n'avez plus que 4 jours pour en profiter. Alors vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Voir conditions sur feuvert.fr. Le Cross du Figaro revient dans un nouveau format et s'associe au Téléthon. Choisissez votre distance, 5, 10, 15, 20 km, votre jour et heure de départ. Faites avancer la recherche en soutenant le Téléthon. Plus vous courez, plus vous donnez. Le nouveau Cross du Figaro, les 26 et 27 novembre au Parc de Saint-Cloud. Inscription sur crossdufigaro.com. RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. 7h10, c'est RMC, le week-end des experts. Les animaux, comme chaque dimanche. Un rendez-vous exclusif RMC. Nous sommes les seuls à vous proposer donc 2 heures dédiées aux animaux tous les dimanches, 6h-8h. Notre vétérinaire est là pour répondre à vos questions au 32-16. Laetitia, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais il semblerait que caresser un chat peut être mortel. On en parlera tout à l'heure. Ce qu'on a lu dans les magazines, mais bon, on va revenir dessus. On ira aussi du côté de la Réunion. La Réunion qui rapatrie en fait des animaux qui sont proposés à l'adoption, voilà, qui quittent l'île pour venir en métropole. Voilà, et on saura pourquoi avec l'association Sauvade. On va parler des vers de terre qu'il faut sauver parce qu'ils sont en voie de disparition. On finira sur un nouveau sport, le canitriathlon. Et on va commencer par la maltraitance dans les abattoirs. Et oui. Un sujet qui, encore une fois, malheureusement, a fait l'actualité cette semaine. Et oui, parce que vous savez qu'on en a parlé régulièrement dans cette émission. Et la commission d'enquête parlementaire vient de rendre son rapport. Et nous sommes avec Frédéric Freund, qui est directeur de l'association OABA, qui est l'œuvre d'assistance, aux bêtes d'abattoir. Frédéric, bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour François. Merci bonjour. D'être avec nous. Alors, c'est vrai que suite aux nombreux scandales révélés, cette commission a été créée, elle vient de rendre son rapport. Les députés préconisent pas moins de 65 mesures pour améliorer les conditions de mise à mort des animaux. Alors, votre association, l'OABA, comme d'autres d'ailleurs, a été auditionnée par cette commission. Oui. Êtes-vous satisfait des conclusions du rapport ? Majoritairement oui, puisque lorsque l'on regarde le compte-rendu de l'audition de l'OABA et puis les 65 mesures qui ont été rendues publiques cette semaine, on n'est pas très loin du copier-coller. Donc on serait mal placé. Donc on vous a bien écouté. On nous a bien écouté. Il faut quand même saluer le travail qui a été fait par l'ensemble des membres de la commission d'enquête parlementaire, au premier rang desquels le président, le député Olivier Falorni. La commission a fait un gros travail. Ils ont auditionné une quarantaine de personnes, il y a eu pas mal de réunions, ils se sont même déplacés très tôt le matin dans plusieurs établissements d'abattage. Oui. Et ils ont effectivement constaté ce que constatait depuis des années l'OABA et récemment d'autres associations, également ce que ont constaté les services officiels qui ont visité l'ensemble des abattoirs au mois d'avril dernier, oui. À savoir des dysfonctionnements, dysfonctionnements quelquefois mineurs, mais quelquefois beaucoup plus graves. Oui, et donc, oui. Les 65 mesures vont dans le bon sens. Gageons qu'elles seront suivies d'effets, que ça ne sera pas un rapport oui, comme il y en a déjà eu. Voilà, c'est juste des mesures. Alors, c'est des propositions, hein, donc c'est pas une loi non plus. Par exemple, il y a dans les mesures préconisées, on en a beaucoup parlé, la vidéosurveillance obligatoire. Qu'est-ce que vous, qu'en pensez-vous ? Bah, la vidéosurveillance. Alors, bon, dans vidéosurveillance, il y a vidéo, il y a surveillance, hein, formidable. la vidéo, oui, la surveillance, ça fait déjà un petit peu plus peur. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le ministre de l'Agriculture n'était pas très emballé au départ. Oui. Visiblement, il a changé d'avis, comme quoi on a quand même un ministre qui écoute et qui regarde. Il ne faut pas considérer la vidéo, ou plutôt l'enregistrement vidéo, comme étant la panacée. Ça nous semble être tout à fait nécessaire. Oui, mais c'est une mesure, hein, bien sûr. C'est une mesure, mais pas simplement avec une finalité, on va dire, de flicage coercitive. Ça peut être aussi, et c'est pour ça que le ministre a évolué sur cette question, l'enregistrement vidéo peut aussi être un outil de formation. C'est-à-dire que si un abattoir, un jour, il y a un souci, eh bien, il réunit l'ensemble de ses salariés, il diffuse des images. Oui, et donc, voilà. Regardez, voilà, ça, c'est pas bon. Voilà pourquoi c'est pas bon, ou alors ça c'est bon, voilà pourquoi c'est bon. Alors, donc ça peut être un outil de contrôle, mais surtout aussi un outil de formation. Alors justement, la formation, ils mettent l'accent justement, les députés, sur la formation des employés. Ils mettent aussi l'accent sur une augmentation, et ça on le demande depuis longtemps, des effectifs vétérinaires pour accroître les contrôles. Mmh. Alors concernant la formation, comment sont-ils formés aujourd'hui les employés d'abattoirs ? Alors, depuis l'entrée en vigueur du règlement européen, donc depuis 2013... tout opérateur d'abattoir doit être titulaire de ce qu'on appelle le certificat de compétence. Ce certificat de compétence, il s'obtient à l'issue d'une formation qui peut durer une demi-journée ou jusqu'à deux journées, en fonction des différents modules que vous avez à passer. Plus vous avez de responsabilités dans l'abattoir, plus vous avez de modules à passer. Oui. Donc une demi-journée ou deux journées. Et ensuite, ces acquis, ces connaissances sont validées par un QCM. Bon, donc si je voulais être méchant, je dirais, le mouton, il a une patte, deux pattes, trois pattes, quatre pattes, cochez la bonne case. Bon, mais on voit bien que c'est une formation essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, théorique. Il n'y a pas de formation pratique. Alors que c'est un métier pratique. Alors que c'est un métier pratique, parce que si, effectivement, vous êtes doué pour mettre des croix dans une case pour remplir un QCM, lorsque vous avez l'animal vivant face à vous, c'est quand même différent, avoir un... C'est bien que justement cette commission ait mis en avant qu'il y a aussi un problème de formation qui peut expliquer aussi ces dérives dans ces abattoirs. Mais oui, parce qu'on a pas mal d'opérateurs qui font des bêtises, qui se comportent violemment avec les animaux, pas parce que ce sont des sadiques comme quelquefois on peut le lire ou l'entendre, mais tout simplement parce qu'on ne leur a pas expliqué pourquoi, par exemple, ils vont étourdir un animal, ou on ne leur a pas expliqué les règles de base d'éthologie, c'est-à-dire le comportement de l'animal. Un bovin, par exemple, ne voit pas de la même façon qu'un humain. Et oui. Donc, si vous avez un couloir avec un couloir damné dans lequel le bovin avance, et puis tout d'un coup vous avez un éclairage violent, eh bien la pupille du bovin va mettre beaucoup plus de temps que celle de l'humain pour s'adapter, et donc l'animal étant ébloui, il va s'arrêter. Et bien sûr. Si l'opérateur n'a pas cette base élémentaire de connaissances, eh bien, il va tout de suite s'énerver, dire pourquoi l'animal s'arrête, et donc va prendre le bâton et va lui taper dessus. Alors que s'il a cette connaissance, il va attendre 5-6 secondes, et puis l'animal va reprendre sa route bien normalement. Bien sûr, voilà. Évidemment. Oui, c'est vrai, c'est tout bête, mais il faut bien la formation. Ça c'est vraiment très bien qu'ils mettent l'accent dessus et qu'ils disent justement, en plus, il y a beaucoup de mesures sur la formation. C'est pas seulement reprendre la formation, c'est vraiment des mesures très précises. Alors, aussi, parlons de l'abattage rituel, parce que l'abattage rituel est autorisé sans étourdissement préalable de l'animal, ce qui pose débat en France, qui pose problème en matière de bien-être animal. Alors, le rapport préconise, alors vous allez nous expliquer ce que c'est, l'étourdissement réversible sensible et l'étourdissement post-jugulation. Alors, si. Qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, l'étourdissement, on peut se demander c'est quoi. L'étourdissement, c'est tout simplement rendre insensible l'animal au moment de la saignée, pour justement lui éviter la douleur. La souffrance, voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle l'étourdissement réversible, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui est appliqué généralement à un dispositif électrique, donc qui va entraîner une inconscience chez l'animal, mais une inconscience temporaire. C'est-à-dire que si on attend 10, 15, 20 secondes, l'animal va se réveiller. D'accord. Voilà, il va se réveiller. Donc l'étourdissement réversible ne tue pas l'animal, entre guillemets, il l'endort, il l'insensibilise. Voilà. Et on a beaucoup de responsables des cultes, musulmans et juifs, qui nous disent qu'ils doivent procéder à la saignée de l'animal vivant. Or, l'étourdissement réversible, en ce qu'il endort l'animal et ne le tue pas, serait donc parfaitement compatible avec la pratique du rite. Oui. Bien sûr. Donc, la commission tire les conclusions scientifiques et d'interprétation des textes religieux et considère, à juste titre, qu'un étourdissement réversible serait donc parfaitement compatible avec la pratique d'un abattage rituel. D'accord. Bah ça, c'est bien. Ça fait évoluer. Enfin, c'est des propositions. Après, on sait que ça ne va pas... Oui, c'est des propositions. Alors, vous savez, sur l'abattage rituel, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis à l'OEBA. Ça fait plus de 10 ans qu'on discute avec les responsables. Et bien sûr. Bon, c'est possible. Tout le monde nous dit oui. Mais bon, il faudrait passer la vitesse supérieure. C'est pour ça que... Dans d'autres pays qui font aussi de l'abattage rituel, il y a un étourdissement, hein. Oui, alors dans certains pays, il y a un étourdissement. Il faut aussi quand même le noter qu'en France, dans certains abattoirs, on a certains sacrificateurs qui tolèrent et qui appliquent cet étourdissement. Hein, c'est pas monolithique. Hein, c'est pas blanc, c'est pas noir. Oui. Il y a autant, je dirais, de diversité des pratiques qu'il y a d'abattoirs. Il faudrait un peu uniformiser. Et le moyen d'uniformiser, ce n'est pas de se baser sur un texte religieux qui diffère dans son interprétation, dans le temps et dans la géographie. C'est simplement se revenir aux fondamentaux scientifiques, aux bases scientifiques, comme on l'a toujours dit à l'OABA, l'abattage rituel est et doit rester un sujet technique, scientifique et surtout pas politique, parce que sinon on n'avancera jamais sur la question. Et bien sûr. Merci Frédéric Freund. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Journée, au revoir. Merci. On va suivre ça parce que là, ce sont des propositions. Peut-être que ça va aboutir sur une loi ou des arrêtés. En tout cas, on espère. On espère que tout soit, justement, les politiques vont suivre ces préconisations des députés qui vont pas contre les abattoirs, qui vont pas contre ça, mais qui permettent justement une amélioration des conditions d'abattage de nos animaux. On a bien compris, Laetitia. On revient dans un instant. On poursuit ce rendez-vous animaux. Et nous allons aller du côté de la Réunion. Vous allez voir avec cette initiative intéressante pour rapatrier des animaux vers la métropole. À tout de suite. RMC 6h-8h. Vos animaux. Attention, il est de retour sur RMC le dimanche soir. Salut, c'est Daniel Riolo sur RMC. Dès ce soir, c'est le grand retour du RMC Poker Show sur RMC. Cette année, c'est Moundir qui nous accompagnera dans le show 100% poker. Les plus grands tournois, les anecdotes, les conseils avec Daniel Riolo et Moundir. Le poker dans tous ses coups, c'est le RMC Poker Show. Ce soir, dès minuit sur RMC. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Jean, alors à 8h, tu poses un disjoncteur chez Monsieur Chauvet. À 9h10, tu files chez Monsieur Dubois. À 10h, tu vas chez Madame Lefort. À 11h, il faut que tu repartes chez Monsieur Leduc que je viens d'avoir au téléphone. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Kangoo est à 129€ par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Loyer Tax Credit Buy maintenant 60 mois, 80 000 km pour Kangoo Express. Sous condition de reprise, réservée aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa, voire Renault.fr. Entreprise des salariés du transport, conducteurs, passagers, en cas d'arrêt cardiaque, vous avez tous un rôle à jouer pour sauver des vies. Rejoignez la Fondation Carcette Prève et l'association RMCBFM à la gare routière de Clermont-Ferrand, place Gambetta, jeudi de 10h à 18h pour apprendre les gestes qui sauvent et l'utilisation d'un défibrillateur. Découvrez les étapes sur www.lesprosdelaroute.com. Et suivez l'opération sur la page Facebook de l'association RMCBFM. RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. À Voilà, 7h22, le retour du week-end des experts, les animaux. Laetitia, direction l'île de la Réunion maintenant. Et oui, nous sommes avec Delphine Diaz de Sa, qui est présidente d'une association qui s'appelle Sauvade. Delphine, bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour Delphine. Bonjour, bienvenue. Alors, votre association est toute jeune, elle a 6 ans, mais vous avez déjà sauvé plus de 2000 animaux, des chats et des chiens, à la Réunion. Alors, dites-nous comment vous avez créé cette association. Alors au départ, ce sont des métropolitains qui sont partis s'installer sur la Réunion. Oui. Et qui, choqués, si vous voulez, par toute cette détresse animale, sur place, ont décidé de monter une sorte de pont humanitaire entre l'île de la Réunion et la métropole. Alors aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ont pris le relais pour continuer l'aventure. Hein. Oui, des bénévoles. Des bénévoles, voilà, effectivement. Et... Alors, il est vrai que la Réunion est un département français, mais les conditions de vie des chiens et des chats sur place n'ont rien à voir avec ce que l'on connaît ici en métropole. Justement, dites-nous un peu comment ça se passe là-bas. Je sais qu'il y a beaucoup de chiens et de chats errants. Tout à fait, malheureusement. Il y en a vraisemblablement beaucoup moins dans la capitale, à Saint-Denis, actuellement. Mais ils sont encore très très nombreux sur le reste de l'île. Oui. Les abandons sont malheureusement le quotidien. Chez vous aussi. Ouais. Et est-ce que vous avez des campagnes de stérilisation? Parce que ça, c'est très important sur les îles, justement, de stériliser tous ces animaux errants. Alors, les autorités, effectivement, ont lancé des campagnes. Elles sont régulières, c'est vrai, mais malheureusement trop partielles, parce que soit elles sont localisées dans certaines zones de l'île, ou uniquement sur certaines périodes de l'année. Mais même malheureusement avec ces campagnes, les gens sur place ne sont pas forcément sensibilisés, si vous voulez, au fait de faire stériliser leurs animaux, comme dans beaucoup d'îles d'ailleurs, il n'y a pas que la Réunion. Bien sûr. Oui. Alors, vous proposez de rapatrier les animaux que vous donnez à l'adoption, enfin que vous proposez à l'adoption, en métropole. Pourquoi rapatrier des animaux en métropole? Est-ce que les adoptions sont difficiles à la Réunion? Alors, d'abord, tout d'abord, les refuges là-bas sont complètement saturés. Oui. Il y a actuellement un nombre très élevé d'euthanasies, qui s'élève à 10 000 d'euthanasies par an, en fait. Ah oui, quand même. Oui. Donc, si vous voulez, pour nous, les envoyer en métropole, grâce à l'aide des voyageurs, toujours, ça nous paraît la seule solution actuelle pour les sauver et les faire adopter. Alors, hélas, les possibilités d'accueil sur l'île sont très restreintes parce que du fait du grand nombre d'animaux errants déjà, et puis la place de l'animal au sein d'un foyer font que ces adoptions sont plus compliquées sur place. C'est-à-dire que les Réunionnais ont moins d'animaux qu'en métropole ou la place est différente, c'est ça? La place de l'animal est différente, effectivement. Mmh. Culturellement parlant, l'animal a une place en métropole, dans le foyer. C'est un animal qui va être identifié, qui va être stérilisé, qui va être vacciné, dont le bien-être est important, si vous voulez. Alors pas que sur la Réunion, les choses sont différentes. On a des gens qui sont très sensibles à cette errance. Et il y a des gens qui ont peu de moyens et qui font tout ce qu'ils peuvent. Mais c'est vrai que culturellement parlant, on va dire, et il n'y a pas que la Réunion, la place de l'animal est différente. Bon, et puis c'est vrai que vous avez beaucoup, beaucoup d'animaux à adopter. Et voilà, il n'y a peut-être pas assez de solutions sur place. Donc vous proposez de rapatrier les animaux, mais alors vous les rapatriez, vous demandez à des voyageurs de prendre, c'est ça, des animaux avec eux en soute, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En fait, le voyageur nous contacte. Oui. Nous, on s'occupe de tout, donc d'inscrire l'animal sur son billet. Il y a un représentant de l'association qui accompagne l'animal, muni de son carnet de santé, jusqu'au voyageur pour l'enregistrement. Mmh. On règle tous les frais, en fait, occasionnés par ce transport. Oui. Et ensuite, un représentant est à l'arrivée pour accueillir l'animal, en fait. Alors, chat et chien. Tout à fait. Donc, vous proposez en métropole des chats ou des chiens réunionnais à l'adoption. Absolument. Ça va, l'acclimatation se fait bien ? Très très bien, parfait. Ils ont une faculté très très importante d'acclimatation. Sont toujours des loulous. Alors ils sont nés au soleil, donc ils ont toujours ils sont toujours très heureux. Et non, ça se passe très très bien. Ils aiment bien le cocooning. Exactement. Écoutez, merci, exactement. Merci beaucoup. Merci, c'est Delphine. vraiment une deuxième chance qu'on leur propose à tous ces animaux, chats et chiens. Initiative. Donc c'est votre association s'appelle l'association Sauvade. Voilà, nous mettrons donc asso-sauvade.fr. Nous mettrons les coordonnées sur Facebook et puis vous pouvez aider cette association aussi par des dons, en parrainant des animaux aussi. Et puis si vous partez à la Réunion et que vous revenez, par exemple pour les vacances, et ben profitez pour mettre mettre sur votre billet d'avion, un animal en plus en soute, voilà, ça vous coûtera rien et ça, c'est l'association qui réglera les frais. Dans un instant, la météo, les infos sur RMC, bientôt 7h30 et on évoquera les chats. Caresser son chat est-il mortel ? Après l'apparition d'un article américain, on peut se poser la question. Pas d'inquiétude, hein, on va en parler dans un instant, à tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook Vos animaux sur RMC. Bonjour Rémi, juste pour te rappeler que je pars en vacances. Aucun souci Martine, et tu vas où ? Eh bien on va faire du camping dans le jardin de mes parents. À moins que tu ne m'apprennes qu'on a des super destinations pour pas cher avec notre mutuelle. Je crois pas, non, mais c'est bien le camping, le retour à la nature, la famille, quelle chance tu as. Oui. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Martine aurait pu bénéficier de tarifs préférentiels pour ses loisirs. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, les enchères sont ouvertes. Chaque jour, dans des ports américains, des conteneurs que personne ne réclame sont vendus au plus offrant. Soit c'est le jackpot, soit la douche froide. Enchères à tout prix, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. C'est avec Jean-Baptiste Vergès qu'on fait un point sur la météo de ce dimanche. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François, bonjour à tous. Le retour de la pluie, la baisse des températures aujourd'hui. L'endroit le plus humide, ce sera le sud-ouest. Il a fait très chaud hier en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Et bien aujourd'hui, ça va se rafraîchir avec ces pluies présentes dès ce matin dans ces régions. Des pluies qui vous accompagnent également si vous vous trouvez dans les pays de la Loire et la Normandie. En fait, ce matin, le seul endroit où il va faire très beau, c'est toute la partie est du pays. Cet après-midi, toujours de la pluie dans le sud-ouest avec des orages prévus en Ariège, mais aussi dans le massif central. Ce sera un peu plus variable au nord-ouest. Par contre, les pluies matinales vont se déplacer sur l'île de France pour gagner le Nord-Pas-de-Calais et les Ardennes. Les températures, c'est encore frais ce matin en Alsace, seulement 8 degrés à Strasbourg, mais ça va très vite se réchauffer, vous allez voir. Autre température matinale, il fait en ce moment 13 degrés à Brest, 14 à Paris, 16 à Bordeaux. Cet après-midi, on attend 26 degrés à Mulhouse et Dijon, 26 à Lyon, c'est à l'est qu'il va faire le plus chaud. Il fera 20 degrés à Versailles, 21 à Rennes, 26 à Nice, 22 à Toulouse. Dans le sud-ouest, c'est 10 degrés de moins par rapport à la journée d'hier. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC, il est 7h30. Un point sur l'actualité maintenant avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Les sports, le football pour commencer. Monaco retrouve sa place de leader de Ligue 1. Victoire 2-1 face à Angers hier soir. Lyon a perdu encore 1-0 à Lorient. Des victoires pour Bastia, Dijon et Metz. En clôture aujourd'hui, Marseille reçoit Nantes. Le rugby, le top 14 et La Rochelle devant au classement. La belle histoire se poursuit. Victoire sur Bayonne hier. Castres, Bordeaux, Bègles, Pau et Toulouse ont également gagné. Toulon-Clermont, c'est le choc du jour sur RMC. Parole contre parole, vidéo contre vidéo. Policiers et minorités. Les noirs continuent de se déchirer à Charlotte, aux États-Unis. Hier, la victime de la famille de Kay Scott publiait sa vidéo. Cette nuit, c'est au tour de la police de montrer comment l'homme a été abattu par les forces de l'ordre. Il reste malgré tout impossible de constater s'il était dangereux ou non. Toujours aux États-Unis, on vous en parlait hier, cette fusillade dans un centre commercial à l'ouest du pays, dans l'état de Washington. Le tireur qui a tué 5 personnes a été capturé cette nuit. C'est un homme d'origine turque âgé de 20 ans. La politique ce dimanche, c'est le retour notamment de François Bayrou. Il clôt cet après-midi midi. Les universités d'été du Modem en Bretagne, pas encore candidat à la présidentielle, le maire de Pau souffre dans les sondages. 70% des personnes interrogées ce matin dans le Parisien ne le voient pas comme un président potentiel. Et puis pas de bruit de moteur, pas de klaxon. Paris, ville sans voiture aujourd'hui, deuxième année consécutive que la mairie organise cette opération. Entre 11h et 18h, François, aucune voiture autorisée à circuler, il faudra la laisser au garage. 45% de la surface de la capitale interdite aux véhicules quand même. 7h32. Beaucoup. Thomas, j'étais en train de penser un truc. C'est vrai que là, ce soir, il y a quand même un grand match. Ouais. Hein, Marseille-Nantes. Ouais, comment ça va se passer là où... Parce que je crois que vous êtes planté. Notre réalisateur est marseillais. Je suis plus fier que moi. Je sens qu'il y a une petite tension quand même dans ce studio là. Avec deux équipes qui sont à 5 points et qui sont relégables, ça va faire du beau mal ça. Ah oui. Ouais. C'est dur hein ça. À un moment, faut revoir ses ambitions à la baisse, non? C'est sûr. Alors Aurélie, pour un Marseillais, ça va être compliqué. Notre productrice qui, elle, soutient le PSG, voit ça avec beaucoup d'altitude. Et encore, c'est pas génial non plus. Oui, c'est vrai. Ouais. Aurélie qui me dit, à une époque, c'était une belle affiche, ça, Marseille-Nantes. À une époque. Époque de Cocosiolo. Allez, on enchaîne. Voilà. Vous revenez tout à l'heure à 8h, Thomas. Et on repart de notre rendez-vous animaux avec notre vétérinaire, le 32-16, pour joindre Laetitia Barlerin. A tout de suite. RMC, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Tiens, on parlait de foot il y a un instant avec Thomas Chupin. Tout à l'heure, on va parler de sport avec les animaux. Le Cani Triathlon cet après-midi dans le sud-ouest. Laetitia, on va découvrir ça. C'est à Vieux-Boucau-les-Bains, dans les Landes. Voilà, on va en parler tout à l'heure. On va évoquer aussi les vers de terre. Il faut les protéger, ces vers de terre. Et oui, ils sont en voie de disparition. Ça tire à tous les animaux dans cette émission. Excusez-moi. Faites attention où vous marchez. Faites attention. Dites à vos poules de laisser tranquilles les vers de terre. Exactement. Voilà. Mais revenons quand même sur cette histoire qui a bien fait le buzz cette semaine. Caresser son chat deviendrait-il mortel, Laetitia? Eh oui, c'est un article américain qui accuse les chats de transmettre une grave maladie à l'homme. Pour vraiment rétablir la vérité et savoir de quoi on parle, nous sommes avec le docteur Anne-Claire Gagnon, qui est vétérinaire, spécialiste de la médecine et du comportement du chat. Elle est auteure aussi de Ce chat qui a changé ma vie et Mon chat sur le divan, deux livres aux éditions Larousse. Anne-Claire, bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour François. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que selon les médias, caresser votre chat pourrait vous tuer. En fait, quand on regarde un petit peu cet article, les scientifiques mettent en garde contre ce qu'on appelle la maladie des griffes du chat. Alors, c'est une maladie que nous, vétérinaires, nous connaissons bien. Alors, qu'est-ce que c'est cette maladie, la maladie des griffes du chat? Alors, la maladie des griffes du chat, c'est une maladie qui est due à une bactérie qui est hébergée par les chats, mais les chats en général ne font absolument aucun symptôme, et qui est transmise et hébergée aussi par les puces. Et là où l'article américain a un petit peu raison, mais c'est vraiment tiré par les cheveux, c'est qu'en fait, les grandes ennemies, ce sont les puces. Donc c'est la maladie des puces, quoi. Oui, à peu près, mais voilà. Et donc, chez l'humain, ça provoque des symptômes qui sont une fièvre, un ganglion qui va gonfler à peu près à l'endroit où on a été griffé par un chat, parce que c'est vrai que dans la maladie, ce sont les griffes du chat qui vont injecter dans notre peau les crottes des puces. Je suis désolée, parce qu'à cette heure-ci, c'est pas sympa. Comme... Oui, non, mais on en a vu d'autres. Vous avez l'habitude, je comprends. Voilà. Oui, on en a vu d'autres, donc, vous inquiétez alors, pas. Hein. Je résume, les puces font des crottes qui se retrouvent sous les griffes du chat. La maladie des griffes du chat, Bartonella encéleae, et quand le chat vous griffe, il peut malheureusement vous l'injecter, pour autant que le chat ait des puces, parce que c'est ça le problème. Et oui. Eh ben oui, voilà, parce que nos chats, s'ils sont bien traités contre les puces, il n'y a pas de problème. Alors, nous vétérinaires, on a, je pense, tous eu au moins une fois cette maladie des griffes du chat avec un ganglion qui gonfle suite à une griffure de chat. Mais à part ça, ça n'a pas été mortel. Est-ce que cette maladie est vraiment grave? Non, je pense que tous les vétérinaires la font même pas. Donc, ce qui veut dire Je l'ai faite, ce qui veut dire que l'incidence est relativement faible. Et dans l'étude américaine, ils pensaient qu'il y avait 20 000 cas par an. Il n'y en a que 12 000 aux États-Unis. C'est une maladie qui est bénigne. Ça guérit spontanément, surtout chez les personnes qui sont immunocompétentes, donc en pleine santé. C'est plutôt dangereux pour des personnes immunodéprimées qui sont sous traitement. Voilà. Sous traitement, sous chimio ou des personnes HIV positives. Donc là, il faut effectivement faire attention. Alors, est-ce que tous les chats peuvent transmettre cette maladie, même tous les chats qui ont des puces? Alors non, c'est les chats qui sont infectés, mais on ne peut pas les dépister, et puis ça n'a finalement aucun sens. Et ce qui a été montré, c'est que si on met ensemble des chats infectés et des chats sains, s'il n'y a absolument pas de puce, s'ils sont bien traités, la maladie ne se transmet pas. Donc en fait, la solution, c'est quand même de bien les traiter avec des antiparasitaires. Bah alors, dans l'article, ils disent qu'on peut contracter la maladie seulement en caressant le chat. Ça veut dire quoi, ça? À mon sens, c'est vraiment tiré par les cheveux, parce que ça veut dire qu'avec les mains et sous nos ongles, il faut quand même rappeler que les chats ont des griffes qui sont des armes blanches, et nous, on a aussi des ongles qui sont aussi des armes blanches. Et que si effectivement le chat est ce qu'on appelle malheureusement, et ce qui est très désagréable pour lui, un sac à puce, avec le poil rempli de crottes de puce, il peut... Mais encore une fois, c'est quand même tiré par les cheveux comme... Oui. Article, là. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on gratte les crottes de puce sur le chat, quoi. Oui, c'est ça, et qu'on en est sous nos ongles et qu'ensuite on ait une petite plaie, enfin c'est compliqué. Alors, dans les symptômes rares, c'est vrai qu'il peut y avoir des conjonctivites qui peuvent être embêtantes, donc effectivement, il faut toujours se laver les mains une fois qu'on a caressé. Il y a des tas de choses de bon sens à faire. Toujours se laver les mains après avoir caressé un chat, mais toujours se laver les mains aussi après avoir jardiné. Voilà. Pas se frotter les yeux quand on vient de jardiner ou quand on vient de caresser un chat, tout simplement. Donc il n'y a pas de risque. Quelles sont les autres maladies que le chat peut nous transmettre? Alors, on l'accuse toujours aussi de pouvoir nous transmettre la toxoplasmose. En fait, c'est pas lui non plus le coupable. Le coupable, c'est de manger de la viande qui a été mal cuite et contaminée. Et puis, le coupable, ça peut être nous aussi pour la toxoplasmose, parce que il faut absolument faire le bac du chat tous les jours. Si ça reste dans le bac deux jours, malheureusement, du coup, le cycle du toxoplasme se fait et les matières sont plus contaminantes. Donc, encore une fois, pour les femmes enceintes, il n'y a pas de problème si le bac est fait tous les jours, il n'y a aucun risque. Alors, si on se fait mordre ou griffer par un chat, ça peut arriver. Quels sont les conseils? Que faut-il faire en premier? Première chose, il faudrait tendre la main au chat. Je sais que c'est très difficile, mais c'est quelque chose que j'explique toujours aux étudiants vétérinaires, tout simplement pour pas qu'il y ait plus de dégâts. Faire un peu ce qu'on appelle la panthère, plus bouger. Deuxième chose, c'est mettre la main... C'est-à-dire, quand il vient de griffer ou de mordre, faut avancer vers eux, tout simplement, pour pas... Parce que sinon, ils tirent, et c'est beaucoup plus drôle, et il y a beaucoup plus de dégâts dans la morsure. Ah, d'accord. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est mettre la main sous l'eau avec du savon de Marseille, laver abondamment, surtout pas refermer la plaie, et éventuellement, et même toujours, laisser tremper la main, la partie qui a été mordue, dans de l'eau et du savon de Marseille, 5 à 10 minutes. D'abord parce que ça calme, parce qu'on est toujours énervé après s'être fait griffer ou mordre. Mm-hmm. Et puis surtout parce que ça permet d'enlever les bactéries. Et là, c'est la pasteurellose qui peut surtout nous atteindre et donner de la fièvre ou un phlegmon. Donc voilà, faire ça et aller voir un médecin si vraiment... Désinfecter avec de l'eau oxygénée ou avec des désinfectants, mais pas avec de l'alcool, ça c'est certain. L'eau, le savon de Marseille, c'est encore ce qui est le mieux. Merci. Merci beaucoup, Anne-Claire. Vous nous rassurez. Oui. On peut caresser ces chats. Oui. Surtout, il faut absolument les traiter contre les puces. Ça, c'est une évidence absolue. D'abord, pour leur confort à eux, parce que c'est vraiment... On ne se rend pas compte à quel point c'est irritant pour un chat de se faire piquer à longueur de journée. C'est comme s'ils avaient des moustiques tout le temps, quoi. Oui. Voilà. On imagine. Merci beaucoup, Anne-Claire. À bientôt. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Voilà, et à 8h20, on revient dans un instant. Laetitia, sur RMC, on va protéger les vers de terre ensemble. Oui. Voilà. Et puis on découvrira un cani triathlon qui a lieu cet après-midi dans le sud-ouest. A tout de suite, c'est RMC. RMC, vos animaux. Qu'est-ce que le bonheur? L'univers a-t-il un commencement? Juillet ou août? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C3 Vitamine à partir de 9 990 €. Avec moteur PureTech, climatisation et radio CD MP3. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais pile ou face? Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, valable jusqu'au 31 octobre dans la limite des stocks disponibles. Détails sur carstore.citroën.fr. Et si les pros communiquaient sans compter à travers toute l'Europe? Moi, avec Orange, j'ai les SMS et MMS illimités en France. Et moi, avec Orange, j'ai les appels illimités en France et en Europe pour joindre mes clients. Et ben moi, avec Orange, j'ai 25 gigas d'internet mobile dans toute l'Europe. Il serait peut-être temps que tu prennes des cours d'anglais. Avec les forfaits mobiles Performance Pro et Open Pro d'Orange, communiquez avec vos clients sans compter en France et dans toute l'Europe. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable sur certaines offres, conditions et tarifs sur orangepro.fr. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute, et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. Le Cross du Figaro revient dans un nouveau format et s'associe au Téléthon. Choisissez votre distance, 5, 10, 15, 20 km, votre jour et heure de départ. Faites avancer la recherche en soutenant le Téléthon. Plus vous courez, plus vous donnez. Le nouveau Cross du Figaro, les 26 et 27 novembre au Parc de Saint-Cloud. Inscription sur crossdufigaro.com. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Bon, à la fin de chantier, dans 10 jours. Il reste quoi à faire? Il faut couler la dalle, monter les murs, poser les planchers et faire les enduits. Ok, alors on se dépêche. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Master est à 199 € par mois sans apport. Tout est inclus, entretien, garantie, assistance. Loyer Tax Crédit Bail maintenance 60 mois, 80 000 km pour Master Fourgon. Sous condition de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa. Voir Renault.fr. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, nous sommes de retour. C'était RMC, le week-end des experts, les animaux. Jean-Luc Moreau sera là à mes côtés à partir de 8h pour 2h dédiées à l'automobile. Jean-Luc, qui, vous le savez, répondra à toutes vos questions auto. L'essai de la semaine, ce sera la Volvo V90 D5 AWD. Le bon plan, peut-on vendre une voiture sans carte grise? Et puis, on s'intéressera à toute l'actualité dans le domaine de l'auto avec vos questions, bien évidemment. Laetitia, il faut sauver non pas le soldat Ryan, mais les vers de terre. Et nous sommes avec Benoît Hartmann, qui est directeur de l'association France Nature Environnement. Bonjour Benoît. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, pas moins de 350 associations européennes, dont 32 françaises, ont lancé jeudi une pétition pour sauver, donc on disait, non pas le soldat Ryan, ni le panda, ni le rhinocéros, mais le vers de terre. Alors, pourquoi cette mobilisation? En fait, c'est une mobilisation qui se justifie simplement, c'est que, vous voyez, on a des lois pour protéger l'air, on a des lois pour protéger l'eau, mais on n'a aucune loi pour protéger les sols. C'est vrai. Et le lombric, il est très symptomatique de la vie des sols. C'est un bio-indicateur, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire que quand un sol qui va bien, c'est un sol qui a beaucoup de lombric, et s'il y a beaucoup de lombric, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'autres espèces. Pour une espèce de vers de terre, il y en a des dizaines que nous ne voyons pas, des vers plats, et beaucoup d'autres espèces qui vivent dans le sol et qui garantissent, en fait, pour nous, la productivité de ce sol, mais qui garantit aussi une grande productivité naturelle et une grande biodiversité. Alors, je me rappelle que c'est Charles Darwin qui, au 19e siècle, a été le premier à s'intéresser aux vers de terre. Je sais que juste à l'époque, les gens faisaient en sorte justement de l'éliminer, le vers de terre. Ils pensaient que c'était un nuisible, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il enrichit en fin de compte les terres. Ah, il nous rend des grands services. Non seulement il ameublit la terre, ce qui évite qu'elle soit trop tassée et que donc on puisse continuer à planter les choses dedans, mais par ailleurs, il mange des matières organiques, il les digère, et donc il restitue ensuite un certain nombre d'éléments qui peuvent enfin être consommés par les plantes et par d'autres animaux. Donc il nous rend des très grands services, il ne mange que des détritus, donc il ne mange pas de racines vivantes, et donc il ne nuit absolument pas aux cultures, c'est certain. Alors, François, est-ce que vous savez ce qu'est un géodrilologue? Non. C'est non. Un spécialiste du vers de terre. Ah oui. Et justement, ces spécialistes, ces scientifiques disent qu'il y a aujourd'hui 4 fois moins de vers de terre qu'il y a 40 ans. Quelles sont les causes de leur disparition? Ah, écoutez, il y a un certain nombre de traitements, de pratiques agricoles, malheureusement, qui sont très nuisibles à la vie du vers de terre. Je parlais tout à l'heure du fait qu'un sol tassé ne lui est pas favorable, mais de la même manière, des labours très profonds lui sont pas favorables parce qu'il n'aime pas se retrouver à l'air libre. Et surtout les traitements, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de traitements de sol et de pollution des sols qui lui nuisent gravement. Mais il ne faut pas penser qu'à l'agriculture. C'est-à-dire les pesticides, vous pensez à ça? C'est ça, un certain nombre de pesticides, un certain nombre de traitements, en fait, qui ne visent pas spécifiquement le vers de terre, mais qui lui nuisent. Mais il faut penser aussi à l'artificialisation, le fait que on artificialise un département, l'équivalent d'un département tous les 7 ans en France, donc des zones entières qui deviennent imperméables, qui sont couvertes par des routes, par des villes, et qui donc ne deviennent absolument plus propres à la vie des vers de terre. Donc il y a trois types d'agressions, l'une liée à l'agriculture, l'autre liée à la pollution industrielle des sols et une troisième qui est liée à l'artificialisation. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces petits invertébrés aèrent les sols. Et c'est important. Patrick Mirel, notre expert jardin, en parle souvent. Voilà, mais c'est important aussi, parce qu'on a connu cette année des inondations, hein, vous le savez. Or, justement, le fait qu'il y ait des vers de terre permet de drainer l'eau dans les sols. Exactement. Quand je parlais tout à l'heure d'ameublir des sols, un sol meuble, c'est un sol qui est bien plus perméable et qui, entre autres, peut absorber plus facilement une crue, comme on en a vu. Oui. Si on a des sols qui sont très tassés, malheureusement, notre milieu n'absorbe pas bien l'eau. Et donc, les crues ont des effets bien plus dévastateurs. Donc oui, ils nous aident à drainer nos sols, ils nous aident à les rendre meubles, cultivables, mais aussi à ce que nos sols puissent jouer leur rôle d'éponge, c'est-à-dire absorber les crues quand il y en a et restituer lentement l'eau quand elle a été stockée dans un sol meuble. Alors, je sais que des agriculteurs sont très intéressés, s'intéressent de plus en plus aux vers de terre, en particulier des vignerons, et je crois plutôt dans le bio, parce qu'ils savent aussi que ces vers de terre fertilisent les sols. Alors, comment faire en sorte que on ait plus de vers de terre dans son jardin ou dans son sol ? Alors, en fait, ils s'y intéressent à tel point qu'il y a même des entreprises qui se sont lancées dans la production de vers de terre. On peut acheter des vers de terre. Et oui, il y a des entreprises, y compris en Île-de-France, qui vendent des vers de terre si vous voulez enrichir votre sol. Mais avant ça, évidemment, il faut se tourner vers des pratiques agricoles qui sont respectueuses du milieu, puisque ce vers de terre dépend d'un milieu en bonne santé. Donc, ne pas faire des labours trop profonds, aérer régulièrement son sol, garder une bonne humidité, éviter les tassements, éviter les traitements autant qu'on peut, et avoir des traitements qui soient les moins agressifs possibles et qui ne migrent pas vers le sol. Donc vraiment, se tourner vers une agriculture qu'on connaît bien, qui est productive, qui est rémunératrice pour les agriculteurs et qui n'est pas trop agressive pour le milieu. Mais ça veut dire que vous achetez des vers de terre comment ? C'est au poids ? Je ne vois pas comment... Vous les comptez ? En fait, vous en achetez un certain nombre, c'est-à-dire qu'ils sont capables effectivement de les compter et de nous les donner, mais vous savez aussi peut-être que chez soi, on peut avoir ce qui s'appelle un lombricomposteur, c'est-à-dire un compost qui utilise des lombriques pour accélérer en fait la décomposition des matières organiques et nous donner très vite du terreau. Ça évite en plus d'avoir un compost qui tourne mal et qui commence à faire du liquide et un peu de méthane qui est un gaz à effet de serre très grave. Donc on sait que ça fonctionne très très bien et que oui, les lombriques sont nos amis. Alors j'ai lu aussi que pour recenser les vers de terre, parce que ça c'est un problème, le recensement des vers de terre, parce qu'on peut pas leur, on peut pas, ils peuvent être très profonds hein, dans la terre, on peut se servir de moutarde diluée. Tout à fait. C'est un truc assez classique et qui n'est pas trop agressif et qui ne leur nuit pas. C'est que vous diluez de la moutarde dans un grand arrosoir avec vos enfants, par exemple. Vous dessinez un mètre carré avec des ficelles et vous arrosez uniquement ce mètre carré pour avoir une idée de quelle densité de vers de terre vous avez au mètre carré. Et vous allez les voir tous sortir très rapidement parce qu'ils sont très incommodés par la moutarde. Ah, ils n'aiment pas la moutarde. Ils n'aiment pas, mais c'est comme nous, ça les pique pas très longtemps, donc rapidement ils retournent dans le sol après. Et donc là, vous comptez les vers de terre. Alors, une bonne terre, c'est quoi au mètre carré, le nombre de vers de terre ? Écoutez, si vous trouvez 10-12 vers de terre au mètre carré dans votre jardin, vous avez un jardin qui va plutôt bien. Si vous en trouvez moins, il faut vous inquiéter de savoir si vous n'avez pas des pollutions résiduelles ou si vous-même, vous n'utilisez pas des produits qui sont trop agressifs pour votre sol et qui vous font du mal. Il faut faire du bio. Et voilà. Tout simplement. Il faut faire du bio, il y a d'autres manières, on n'est pas obligé d'être labellisé bio pour avoir une des pratiques qui soient écologiques, mais en tout cas, il faut faire raisonnablement, il faut se dire que chaque fois qu'on peut éviter de traiter, qu'on peut faire à la main, il faut le faire. Souvent, quand c'est son propre jardin, on n'a pas des superficies telles qu'on ne puisse pas le faire à la main et mécaniquement plutôt que chimiquement. Et oui. Alors, que demandez-vous à l'Union européenne avec cette pétition ? Alors cette ICE, cette grande pétition européenne qui est un petit peu compliquée à remplir, hein. Il faut savoir que les Européens vont avoir à rentrer leur carte d'identité, un certain nombre de détails comme ça un peu fastidieux. Mais ce qu'on demande, c'est d'avoir enfin une loi pour protéger les sols, parce qu'il n'y a pas de loi qui protège les sols en Europe. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que nous, en tant qu'association écologiste, nous ne pouvons pas agir contre des gens qui détruisent les sols, parce que nous ne pouvons pas nous retourner contre eux et les obliger à respecter certaines pratiques. Donc nous avons absolument besoin d'une réglementation qui dise ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes directeur de France Nature Environnement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est bien de défendre ces petits animaux, j'allais dire, envers et contre tout. On peut pas tout dire, finalement. Et vous savez, c'est pas parce que les animaux, certains animaux nous semblent moches qu'ils méritent pas d'être protégés. En fait, on a vraiment besoin de tous ces animaux-là. Eh oui, comme je vous dis, depuis le 19e siècle, Charles Darwin avait dit, voilà, il faut sauver les vers de terre, ce ne sont pas des nuisibles. Parfait. Voilà. Laetitia, on va terminer ce rendez-vous animaux par un cani triathlon cet après-midi. Oui, c'est il a lieu à Vieux Boucau les Bains. On va demander à Damien si on l'a bien prononcé. Voilà. Bonjour Damien. Nous sommes avec Damien Médan qui est un confrère vétérinaire qui est cofondateur de l'association Les Toutous Surfeurs. On en avait parlé d'ailleurs l'année dernière. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, c'est bon, on a bien prononcé le nom ? Oui, c'est ça, Vieux Boucau les Bains. Voilà. Alors, c'est quoi un triathlon canin ? Dites-nous quelles sont les trois disciplines. Alors, en fait, on va organiser le premier triathlon canin qui associe paddle, VTT et cross. Alors, le paddle, c'est la planche sur l'eau où on est debout et le chien vient sur la planche, c'est ça ? Voilà, c'est ça. On est debout sur la planche avec une pagaie. Oui. Et le chien sera sur la planche avec nous et devra donc avec son propriétaire faire le parcours. D'accord. Donc il a le droit de faire du paddle, mais il est possible aussi de faire du canoë ou de partir à la nage. En fait, tout est possible. Hein. Tout est possible, oui, parce que moi je sais pas si mon chien tiendrait sur un paddle. Pas forcément. C'est pour ça qu'on veut que tout le monde puisse participer quand même. Donc ça sera plus simple s'il suffit simplement de faire le parcours sur l'eau. Et après on fait la course, le canicross, c'est ça? Voilà, ensuite, dès qu'on est sorti de l'eau, on prend le VTT, on attache la laisse du chien au VTT et on part pour un parcours de cani VTT sur 4 km. Et ensuite, on refait un tour du lac sur 4 km à nouveau en cross. Dites, il faut vraiment qu'on soit... alors, je parle pas de nous, mais au moins le chien doit être super sportif pour faire ces trois activités quand même. Oui, oui, quand même, il faut un chien qui soit sportif, qui soit en bonne santé. Parce que ça fait quand même une trotte. Ouais. Alors comment va se passer la journée ? Parce que bon, j'imagine que tout le monde va pas participer au triathlon. Il y aura d'autres activités pour ceux qui viendront avec leur chien. Oui, donc tous les gens sont les bienvenus effectivement pour regarder déjà. Et comme autre activité qu'il y a sur place, on va proposer des initiations au paddle avec ton chien. Donc les gens qui viennent avec leur chien pourront faire des initiations sur le lac. Oui. Il n'y aura pas du tout de vagues, c'est vraiment très calme, c'est facile. Oui. On a pied assez loin, ça va être vraiment tranquille. Et ça, les initiations seront encadrées par quatre éducateurs canins et quelqu'un qui connaît bien en paddle. Et le chien aura sa petite sa bouée de sauvetage. C'est ça, le chien aura un gilet de sauvetage, sa petite récompense pendant et après l'effort. Voilà, il sera bien traité. Et il y aura des démonstrations de chiens de sauvetage en mer aussi qui auront lieu pendant toute la journée. Ah bah très bien, comme ça on peut venir en famille. Oui, on peut venir en famille, ça va être sympa, oui. À quelle heure, où vous retrouvez et à quelle heure ? Alors, ça va être sur la plage du lac marin de Vieux-Boucau-les-Bains. Oui. Parce qu'il y a, il y a une plage de l'océan et il y a une plage aussi du lac. Donc, c'est sur le lac. Donc, c'est pas difficile de nous trouver au poste de secours. Eh bien, si tout. Et on va mettre des stands, on va être bien visible. Et la première course va démarrer à 10h30. D'accord. Et on fait plusieurs départs pour pas faire partir 50 chiens en même temps. On va faire un départ toutes les heures et demie sur toute la journée. La météo est correcte, Damien, aujourd'hui, ça va ? La météo, alors ils annonçaient de la pluie, mais pour l'instant, il pleut pas. Bon. C'est nuageux, mais ça paraît bon. Parfait, merci beaucoup Damien et bonne journée. Avec plaisir. Bonne journée, donc le cani triathlon, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est la première fois en France, hein, Damien, c'est bien. C'est parfait. À Vieux-Boucau, les Bains, dans les Landes. Voilà, merci à vous. Et comme dirait Laetitia, merci beaucoup Damien. Enfin, elle n'a pas dit merci beaucoup, elle a dit au début que c'était beaucoup. Mais c'est pas beaucoup, ça. Beaucoup les Bains. C'est pas facile, hein, Laetitia. Ah ben oui, c'est dimanche matin, on arrive à la fin, là. Mais j'aimerais bien y être là-bas. Et comment on parle de sport aquatique, on sent un peu les rames, parfois.